Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. David Ferron nous fera écouter quelques pièces qui ont marqué son année, musicalement parlant, et Alassania Kiwi et Gabriel Béhout seront là dans chacune une case horaire spéciale, exceptionnellement. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce 20 décembre 2016. Déjà 20 décembre 2016. On est seulement à 128 jours avant la fin de l'année scolaire, quand même. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin, en compagnie de... Mathieu Plante, bonjour à toi. Ou les deux, on a l'air de mourir ce matin. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Que voulez-vous? Ça arrive une fois par année. Tout le monde est victime de ça éventuellement. Hein? Le rhume qui certains appelle. Certains pires que d'autres, c'est ça. Ce serait le fun si ça durait seulement 7 jours comme les gens normaux, mais moi, ça s'est développé apparemment. Et là, je t'ai pas mis au courant encore et j'ai pas mis les auditeurs encore au courant parce que ça s'est passé hier. Oui. J'étais allé chez le médecin à 11h15 environ. Oui, ça semblait compliqué, là. Oui, c'est 11h15. Faut s'inscrire sur une liste. Fait que j'attends jusqu'à 12h15 pour me faire inscrire sur la liste. Okay. Je reviens au bureau. Oui. Parce que la bus était brisée, il fallait que je fasse que je marche, c'était n'importe quoi. Toute la journée était vraiment de la merde. Après ça, j'arrive au bureau, littéralement, je m'assois, je pense que tu peux témoigner que je me suis assis. C'est ça a fait sonner le téléphone. Oui. Et ils m'ont dit, reviens, tchin. Comme là, là. Là, là. Fait que je reprends la bus, je retourne là-bas, j'attends super longtemps, je suis revenu ici à 4h30. Oh mon Dieu. Après être allé à la pharmacie et tout ça. Ils m'ont prescrit, le médecin m'a prescrit des médicaments pour, apparemment, selon ma pharmacienne, une bronchite. Okay. Alors que mes symptômes sont clairement de la sinusite. La pharmacienne dit que c'est vraiment clair que c'est une sinusite, mais bon, j'imagine que le médicament va faire effet sur des facteurs de la sinusite aussi. Probablement. Mais j'ai rien au poumon, à ce que je sache. À moins quand tu tousses, ça fait pas mal. Non, je tousse, mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal. D'accord. Okay. On va suivre ça. J'espère m'en remettre d'ici la fin de la semaine, mais ça va être le fun parce qu'après ça, on sera même plus là. Pareil. Oui, c'est ça, de toute façon. Je veux juste en passer le mois de décembre au complet à pas faire de la radio comme il faut. Hein? Exact. Il n'y en a pas de problème. Donc, on va s'amuser ensemble pendant les trois prochaines heures et aujourd'hui, ça donne bien parce qu'on a vraiment plein de monde. N'est-ce pas? Mm-hmm. On a Alassania Kouyi qui va faire sa chronique qui a habituellement lieu le lundi. Elle va venir aujourd'hui pour nous la faire, chronique sur la santé d'habitude, la médecine, la science, tout ce qui se rattache autour de ça. Ça, c'est, si je me rappelle bien, à 8h, oui. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour la chronique La carte bleachée. Il nous parle de sa musique préférée de l'année. Je sais pas si c'est spécifiquement de la musique du monde. J'en ai aucune idée. Je sens qu'on va le savoir tout à l'heure. Ouais. Et en fait, je pense probablement pas parce qu'il garde ça d'habitude pour son émission Lob Trotter. Oui, c'est vrai. On verra. Et à 9h, présence spéciale de Gabriel Béhoud qui habituellement est là le mercredi. Mm-hmm. Il est là aujourd'hui, pas pour parler du match d'hier, mais pour parler du match de la semaine passée. Oui, exactement. Ça devient compliqué. Parce que hier, il n'y en avait pas. Pas, c'est fini. Oui, c'est fini jusqu'en janvier, mi-janvier environ. Donc, Gabriel Béhoud va être là à 9h. Mon sirop n'a même pas d'alcool dedans. En plus! Mais pourtant. Hey. Tu plates, mets du Baileys. Ouais, c'est ça. Oh, un petit shooter, un sirop Baileys. Ouais, hein. Oh, boy. Je pense que ça goûterait bon, par exemple. Pas mal sûr, ça caillerait en plus. Ouais, t'as raison, faut le boire instantanément. C'est vrai, mets du whisky à la place. Ouais, ta petite voix aussi, hein, commence à. Hein, toi aussi, t'as remarqué. On dirait que. J'ai remarqué en faisant l'ouverture de l'émission. C'est ça, ben, pour vrai, tu sais, cette semaine, je fais faire l'intro à Tania parce que je suis pas capable de parler fort en ce moment. Oui. Vous l'avez sûrement remarqué, je parle beaucoup moins fort, j'ai mis mon micro plus fort. Bref, peu importe. Mais donc, je vais faire l'intro à Tania qui est super gentille de la faire. Mais là, si Tania, tu peux pas la faire demain, il n'y aura pas l'intro. Ben écoute, jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est juste qu'on perd des bouts de ce que je dis parfois. C'est ça. Et moi, je parle des syllabes quand je parle. C'est ça. Exact. Bref, ça, c'est le gercement des lèvres aussi. Oui, ben oui. Notre santé va très bien. L'équipe B est inexistante, assez fou. Fait que c'est l'équipe A, même c'est malade. Exactement. C'est remplaçage Tania Mathieu. Exactement. Dans le rôle de Tania Baudin. Tania Baudin, non? On va entendre dans quelques instants la chronique de Tania. Tania is gonna entertain you, mais avant ça, voici une pièce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendue de Lydia Kepinski. Oui. On l'adore. Voici Apprendre à mentir à Assemblage Requis sur C'est fou. Je pourrais te dire de peu t'en faire, ils vont revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire. Je me fais Je pourrais te dire que tes parents sont fiers de toi. À vrai dire, ils sont morts, ils te voient pas. Je pourrais te dire qu'un jour on aura un pays. À vrai dire, je pense qu'on n'en mérite même pas. Je pourrais te dire avec le trou dans ton ventre, le soleil reviendra entre tes jambes. Lydia Kepinski, apprendre à mentir à Assemblage requis. J'ai eu le temps de me claquer le petit Tylenol dans mes besoins. Non, ça va bien pour le moment. Cool. Voici Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. Salut Tania. Ça va bien? Oui, la choriste. Oui. C'est ça. Exactement. La choriste, mais après que j'ai fini de chanter. T'as tout compris. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, en fait, je vais vous donner quelques idées parce que là, on est comme sur le dernier boost avant les fêtes. Ouais. Mais on en discutait pendant que la musique jouait. Toi, t'as zéro cadeau d'acheter encore. Zéro cadeau, j'attends la paye. C'est ça, exactement. Très bien timé, la paye. Mais il y en a beaucoup qui sont comme toi et il y en a aussi qui sont comme dans une impasse. Tu sais, des fois, tu te fies pas nécessairement à la liste que la personne t'a envoyée ou la personne t'a juste pas envoyé de liste. Ouais. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je peux offrir à cette personne-là? Et oh, je sais pas trop. Alors, je suis tombée sur quelques articles qui m'ont donné des très bonnes idées pour justement ce dernier boost-là. Si jamais vous n'avez pas d'idées, bien j'en ai pour vous ce matin. C'est ben un non. petit peu l'idée de cette fameuse petite chronique-là. En fait, on va commencer par des livres québécois à offrir. Ah. Moi, par exemple, là, je sais que ça se peut qu'ils coûtent, là, mais je ne vais pas dire ce qu'on a acheté ou peu importe. On ne peut pas brouiller les ondes mais, juste pour donc, c'est ça. À la ville. Exactement. Mais par exemple, j'ai reçu une liste de cadeaux de Noël où dessus, c'était marqué des livres. Mm-hmm. Mais pas de spécification exacte sur quel livre est-ce qu'on offre. Il y a une différence entre une biographie et un trailer. Exactement. Puis c'est assez difficile aussi si on ne connaît pas nécessairement extrêmement les goûts de lecture d'une personne. Mais j'ai quelques idées pour vous. On y va surtout avec des livres québécois à offrir. Y a des livres de recettes qui sont vraiment à la mode ces temps-ci. Je ne parle pas de 3 fois par jour. Ouais. Parce que ça, je pense que tout le monde le connaît pas mal. Mais on parle, par exemple, des bouchées de bonheur de Geneviève Evrel. En fait, c'est on en parle souvent dans les médias récemment, mais surtout sur YouTube. À quelques reprises. C'est un nouveau livre qui est vraiment simple, qui est parfait aussi. Ce sont des recettes qui sont très, très simples. Donc, quelqu'un qui commence à cuisiner, là, si vous vous dites justement, je ne sais pas moi, une cousine ou une sœur qui vient de déménager, un étudiant, c'est vraiment un livre de recettes qui va être simple et c'est en fait manger un petit quelque chose avant de justement parcourir ce livre-là pour une première fois parce que les recettes donnent extrêmement faim apparemment et ils essaient en fait aussi des sushis maison dans ce livre-là. Geneviève Evrel, c'est une fille qui est spécialisée en sushis. Elle a une compagnie de sushis maison. Et vous allez voir, justement, c'est apparemment un délice pour les personnes qui commencent à cuisiner de façon simple, mais avec des recettes qui en valent beaucoup la peine. Il y a pour ceux aussi qui trippent sur les légumes, tu sais, vegan, puis tout ça, c'est de plus en plus, pas à la mode, trendy. Mais c'est, tu sais, ça se voit de plus en plus. Les gens prennent cette espèce espèce de tournant-là aussi, de manger moins de viande et d'y aller plus vers des protéines qui sont dans les légumes. Alors, si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui demande des livres et qui, justement, a ce type d'alimentation-là, eh bien, il y a le livre « Légumineuses et compagnie » de Hubert Cormier. C'est un livre qui est pas mal parfait et complet. On parle de réussir, justement, à bien vulgariser avec ce livre-là, de se mettre aux légumineuses qui sont sèches pour en manger encore plus. Mais attention, surtout, dépenser moins à l'épicerie. Parce que souvent, on dit, ça, ça coûte cher. Manger juste des légumes puis des quand fruits, même, ouais. Puis bien manger, puis ça coûte tellement moins cher manger du fast-food ou quoi que ce soit. Mais avec ce livre-là, d'Hubert Cormier, oui, voilà, j'avais perdu son nom de famille, mais avec ce livre d'Hubert Cormier, on apprend justement à trouver des légumineuses qui vont pas être trop chères en épicerie. On a cette espèce de rapport qualité-prix là, dans ce livre-là. Et ce qu'on aime du livre aussi, c'est que ça donne plusieurs idées originales auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple, du houmous. Mm-hmm. Tu connais? Oui. Mais sucré. Oh bien. Donc, c'est des alternatives. Ce sont des recettes qui sont peut-être différentes aussi. Des pâtes de haricots noirs, quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps, mais quelque chose aussi qui comme tu le disais, qui est pas mal trendy, mm-hmm. c'est de faire tout ce qu'on fait, mais avec des légumes. Ouais. On parle aussi de bouchées de chou-fleur avec panure de pois chiche. Tu sais, c'est pas le genre de choses auxquelles tu penses, mais quelqu'un qui aime les légumes, qui tripe ses légumes, puis qui veut juste manger ça. Ça peut goûter la malbouffe quand même. Ben oui, exactement. Bien assaisonné, c'est un livre qui se donne extrêmement bien en cadeau. On parle aussi de livres de lecture. Donc, par exemple, s'ils sont du style à aimer le crime, si vous savez qu'ils ont une tendance à pouvoir aimer le crime, eh bien, il y a le livre « Scandale, le Montréal illicite, 1940-1960 » de Catherine Charlebois. Donc, ce sont des livres québécois, je vous le rappelle. Et c'est comme une petite fascination, en fait, avec l'histoire du crime, justement, et les histoires, les émissions du style CSI et tout ça. Donc, la pochette du livre, c'est assez élaboré. On voit que c'est un crime. Ça va se passer dans les années 1940-1960. Et on parle surtout à partir de photographies du Centre d'histoire de Montréal. Donc, on décrit l'univers, en fait, méconnu qui était le jeu illégal, la prostitution et la contrebande, mais pas à New York, pas à Miami, pas à Las Vegas, ici à Montréal. Mais c'est réel. Exactement, des faits réels qui ont été pris au Centre d'histoire de Montréal. Donc, c'est une espèce de behind the scenes dans le Red Light de Montréal qui a toujours fasciné beaucoup de gens. Et si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau, vous savez qu'elle tripe justement sur les histoires de crimes, tripe aussi sur un petit peu l'histoire, parce que si on n'aime pas nécessairement l'histoire, quelque chose qui se passe au passé, peut-être qu'on n'aimera pas ce genre de livre-là. Mais c'est des lectures aussi qui se lisent bien le soir. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un livre de crime, bien évidemment. Il y a Valérie Chevalier qui a sorti deux livres au courant des dernières années et son livre « La théorie du drap contour », apparemment que ça l'a fait fureur et ça se retrouve aussi sur une liste de livres québécois à offrir. On peut dévorer ces livres-là, apparemment, si on est du style chick-lit un petit peu. Donc, l'écriture de Valérie, en fait, c'est une écriture qui est simple, qui est girly, qui est juste assez funny, parfaite pour justement décrocher. Donc, si justement, tout à l'heure, je parlais d'une cousine ou d'une sœur ou une ma tante, mais qui aime les histoires un petit peu à l'eau de rose, mais pas trop, tout ça, eh bien, le livre de Valérie Chevalier, La théorie du drap contour, c'est un livre qui s'offre bien justement à une fille, par une fille, parce que d'un gars à une fille, oui, ça s'offre, mais ça serait quand même un petit peu bizarre. Donc, on se laisse prendre, en fait, dans l'histoire qui est sans même s'être rendu compte. Ça fait 7 pages qu'on lit déjà ce fameux livre-là. Tu sais, ça rentre assez facilement. C'est simple, comme on le disait, l'écriture est simple. Donc, c'est écrit différemment de son premier livre. Si jamais vous avez lu « Tu peux toujours courir », ça prend la forme aussi de courts sketchs qui racontent les péripéties amoureuses d'une jeune fille. Donc, il y en a beaucoup qui s'attendaient à avoir quelque chose qui était dans le même style que « Tu peux toujours courir » qui était son premier livre. C'est différent un petit peu, il faut le savoir. Mais allez faire un tour à la librairie, regardez, vous savez aussi un petit peu les goûts des personnes à qui vous voulez offrir des livres. Voilà. Mais j'ai d'autres idées cadeaux aussi pour vous, parce que bien souvent, on se dit là, je suis sur mon dernier boost avant les fêtes, comme toi tu viens de le dire, j'attends ma dernière paye, je sais pas trop ce que je peux faire. Eh bien, présentement et durant les dernières années aussi, il y a plusieurs idées cadeaux qui sont faites DIY. Do it DIY. C'est ça. Pas DIY. Non, pas DIY ouais, comme dans le compte sur l'influence. Exactement. Mais on parle en fait d'idées cadeaux qui sont fabriquées soi-même. Donc ça, c'est génial parce que la plupart du temps, une personne va se sentir... Il n'y a pas personne qui va être triste de recevoir quelque chose que vous avez fait vous-même. Sachez-le. Et bien souvent, ça va vous coûter pas mal moins cher. Donc, ce qu'on vous dit, c'est selon vos talents, bien évidemment, essayez de faire quelque chose que vous vous sentez à l'aise de faire parce que ça peut être quand même assez difficile. Mais si jamais vous êtes du style à tricoter ou à tisser, eh bien, un oreiller tissé à la main, tu sais, un oreiller de divan, mm-hmm. c'est quelque chose un que... coussin. Exactement, que ce soit un parent ou encore une grand-mère ou une tante aimerait bien recevoir. On parle aussi de décoration à bouteilles. Donc, si jamais vous avez, je sais pas moi... un bar chez vous. Pas chez vous, mais chez la personne à qui vous allez offrir ce cadeau-là. Et vous vous dites, c'est assez difficile de trouver quelque chose dans son bar. T'sais, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se retrouve dans les bouteilles. C'est assez mal identifié. Bien, un ensemble d'étiquettes à bouteilles faites à la main qui va expliquer qu'est-ce qui se retrouve dans le bar, c'est quelque chose que vous pouvez très bien offrir en cadeau. Vous pouvez aussi offrir un tablier pour justement quelqu'un qui cuisine beaucoup. On parlait de livres de recettes tout à l'heure. Ça peut être un ensemble que vous allez faire. Vous pouvez joindre le livre québécois de recettes avec un tablier. Et le tablier, vous pouvez très bien le faire vous-même. Et si vous allez sur Internet, par exemple YouTube, bien, vous allez pouvoir le décorer même vous-même. Vous allez pouvoir faire le design vous-même. C'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. Si vous êtes à l'aise à la machine à coudre, en plus, c'est parfait. Sinon, ça se fait très bien à la main. Un tablier, c'est pas une paire de pantalons. Non. On s'entend, c'est pas super épais. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui se fait bien à la main, comme à la machine. Et ça peut être seulement juste bien reçu par quelqu'un de votre entourage. On parle aussi de jolies pochettes, que ce soit pris pour, par exemple, une sacoche ou un sac pour messieurs pour aller en voyage, mm-hmm. Mettre nos effets de salle de bain. Parfois, on y pense pas tout le temps. On serait prêt à dépenser une vingtaine de dollars pour une poche, mais ça se fait quand même super bien. Seul à la maison, encore une fois, si vous êtes à l'aise avec la machine à coudre, c'est quelque chose qui revient à coudre, bien évidemment. Mais c'est sûr que si vous avez déjà un petit peu l'âme bricoleur en vous, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ça. On parle aussi de tout ce qui est en peau maçon. Mmh. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai reçu l'année dernière en cadeau. J'ai adoré. C'est, si je me souviens bien, c'est ma cousine qui m'avait offert ça. C'était des chocolats chauds, mais déjà tout préparé d'avance pratique. Dans un pot maçon. On avait simplement à prendre la dose qu'on voulait. C'était vraiment magique, avec une petite bouteille de balai, ça, sur le côté, mais ça, c'est un petit détail. Mais il y en a plusieurs aussi qui vont faire des recettes justement qui sont sèches et qui vont offrir ça en cadeau. C'est merveilleux. Ça se conserve super bien. On parle aussi, si jamais, comme je le disais, vous êtes à l'aise avec tricoter, bien, vous faites très bien, vous confectionnez une couverture en laine. Qui aime pas recevoir une couverture? OK, là, c'est surtout les filles, là, on s'entend, parce que j'ai rarement vu un homme recevoir une couverture en laine, honnêtement, à Noël. Mais moi, je vois pas de gens qui sont déçus de recevoir une couverture dans laquelle ils peuvent s'emmitoufler le lendemain matin de Noël pour justement rester au chaud. Alors, si vous avez le tricot, là, dans l'âme, parce que je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais du tricot, mais là, j'ai tout perdu, je peux plus faire ça. Alors, si jamais vous avez justement l'âme tricoteur, disons ça comme ça, bien vous pouvez très bien faire une couverture en laine pour justement quelqu'un. Et ça peut justement être un cadeau qui va accompagner un autre cadeau. Parfois, on se dit, je vais mettre, je sais pas moi, un petit 15$ sur un cadeau, mais je trouve que c'est pas très, très complet. Mais on peut y aller justement compléter ce fameux ensemble cadeau-là avec quelque chose que l'on va faire nous-mêmes, ce qui est vraiment une très bonne idée la plupart du temps. On parle aussi récemment, en 2016, de des bombes de bain. Ça aussi, c'est trendy. Tantôt, je parlais de légumineuses puis tout ça. Les filles et les gars, on aime de plus en plus les produits qui sont pour le bain, qui sont pour la peau et tout ça. Ça se confectionne assez facilement, très, très bien. Si vous allez sur Pinterest, là, vous allez avoir des recettes et des recettes à la tonne pour des exfoliants, pour des masques pour les cheveux. Messieurs, ça peut être des recettes pour justement de l'après-rasage. Ça peut être aussi des bombes de bain, comme je le disais, dans le style de Lush, là, que tu drops ça dans ton bain puis ça devient bleu, ouais. Rose, peu importe, il y a des glitters partout. Donc tout ça, toutes ces fameuses recettes-là de fabriquer soi-même, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire si vous êtes dans justement le dernier rush et que vous ne savez pas trop si vous allez avoir le temps d'aller magasiner. On s'entend là. On est le 20 décembre. Ouais. Ça veut dire que probablement dans les 4 prochains jours, si vous vous rendez au centre d'achat, vous n'allez pas être capable de faire 5 pas sans rentrer dans quelqu'un. J'espère qu'en y allant le matin, j'ai le cœur. J'espère pour toi, Mathieu. S'il reste des choses à acheter au magasin, puis les étages sont pas vidés. Oui, je sais, hein. Sinon, si vous avez un petit budget, j'ai quelques idées de cadeaux pour vous à moins de 30 $. Et ça, c'est vraiment parfait parce que parfois, on se dit, oh non, un beau cadeau, ça va avec une grosse somme d'argent, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il faut tout simplement bien savoir, bien connaître la personne à qui on va offrir un cadeau, bien évidemment. Alors, aux alentours d'une trentaine de $, on peut avoir de très beaux cadeaux. On parle surtout de papeterie. Donc, tout ce qui est, par exemple, des petits cahiers, si la personne à qui vous allez offrir est du style à écrire souvent, bien, des cahiers d'écriture qui sont très, très beaux, aux alentours d'une trentaine de $, vous allez pouvoir avoir justement un kit de livres dans lequel ils peuvent, qu'ils peuvent écrire. Et bien évidemment, vous pouvez accompagner ça de jolis stylos, vous pouvez accompagner ça de bloc-notes, tout dépendant. D'expériences de vie avec, partagées avec pour pouvoir avoir de quoi écrire. Exactement. Un agenda, tu sais, ça peut se retrouver là-dedans. On parle aussi les fameuses cartes du monde. Ça, on voit ça de plus en plus sur Internet. C'est des cartes du monde, en fait, à gratter. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est si vous, si la personne à qui vous allez offrir ce cadeau-là est du genre à avoir l'âme voyageuse. Tu sais, vous savez qu'à chaque été, cette personne-là, elle part en voyage. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une scratch map. C'est une map qui est quand même assez grande, qui rentre dans un cadre, donc la personne peut l'accrocher à son mur. Et du moment qu'elle va aller visiter cet endroit-là, elle va venir gratter la place où qu'elle a visité et vous allez voir que ça va, bien évidemment, ça va changer de couleur parce que vous allez scratcher la map, là. Et ça, à la fin, en fait, vous allez voir toutes les places que cette personne-là a été visitée au cours des années. Et c'est, je trouve que c'est une idée vraiment bien pensée pour les gens qui ont l'âme voyageuse parce que souvent, ces gens-là, on ne sait pas trop quoi leur offrir parce que quand tu pars en voyage à Paxac, ils n'ont pas besoin de possession. Tu sais, c'est pas beaucoup de place justement dans un sac à dos comme ça. Donc, qu'est-ce que tu offres? Ben, c'est génial parce qu'il va pouvoir se souvenir de tous les endroits qu'il a visités avec une map comme ça. Sinon, offre-lui un tatou de la même chose. Comme ça, elle se fait tatouer les régions. Aussi. Plus cher, je pense. Ce qui est trendy, là, c'est les thés. Oui, ben oui. Aux alentours d'une trentaine de $ pour des thés, vous fait avoir des giga-paquets cadeaux. Peu importe l'endroit, là, je dis pas aller acheter votre thé là. Mais bien évidemment, les gens ont cette ouverture d'esprit-là au thé depuis quelques années. Même chose pour le café. Vous fait très bien avoir un ensemble cadeau qui va être pour justement l'amateur de thé ou l'amateur de café aux alentours de vous dans votre famille. Puis moi, je vois pas en quoi est-ce que c'est plate recevoir du thé ou du café, oui, là, parce qu'on en consomme comme 12 fois par jour. Qui t'a dit que c'était plate? Voyons donc. Non, mais c'est ça, je dis, tu sais, tout à l'heure, je disais, c'est pas parce que vous pensez qu'à une trentaine de $, vous allez avoir un petit cadeau, qu'automatiquement, ça va être un petit cadeau qui sera pas apprécié. Ouais. Au contraire. Et on parle aussi de nécessaires pour les manucures, surtout pour les femmes. Ça peut être aussi un ensemble de rasoirs, de rasage pour les hommes. Tout à l'heure, on parlait de soins de la peau. C'est rarement quelque chose que les hommes vont penser à aller s'acheter eux-mêmes. Donc, si c'est justement une opportunité à une trentaine de $ pour vous de faire un cadeau à un homme dans ces alentours-là, bien pourquoi pas? C'est sûr et certain que la plupart du temps, ça va être utilisé et ça va être bien apprécié aussi parce que c'est comme l'impression que vous, les hommes, des fois, vous avez de la difficulté à aller vous-même chercher quelque chose qui pourrait faire en sorte que vous ayez l'air un petit peu... un petit peu plus... C'est ça. Donc, de ce côté-là, vous faites très bien l'offrir en cadeau. Et il y a des paquets cadeaux aussi aux alentours d'une trentaine de $ pour vous sauver la vie durant les derniers jours avant Noël. Il y a des ensembles plus cool à recevoir que d'autres. Il y en a qui sont vraiment cheap. Oui. Je sais pas si tu as vu les emballages cadeaux de produits pour les hommes. Des fois, c'est... Oui. Il y en a plus haut que ça, un petit peu. C'est ça. Plus haut. Il y en a parfois qui sont cheap. Ouais. On dira pas lesquels, mais... Non, on parle d'articles à voyager. Mm-hmm. Souvent, on va avoir justement des ensembles de bouteilles ou des ensembles passeports, des ensembles où on peut mettre certaines choses. C'est pas nécessairement une valise, mais c'est dans quoi on peut mettre nos billets d'avion, on peut mettre nos cartes pour justement avoir tout en main avant de rentrer dans l'avion. Ça, c'est le genre de cadeau qui est aux alentours d'une trentaine de $. Et justement, on parlait de gens qui ont l'âme voyageuse dans votre famille tout à l'heure, eh bien, c'est un cadeau qui peut extrêmement bien s'offrir, justement. Ou si vous savez que quelqu'un va partir là, dans les prochains jours après Noël, ce genre de cadeau idéal si elle-même n'a pas pensé à aller s'acheter tout ça avant. Et on parle aussi de calendrier. Moi, c'est ce que j'aime recevoir. J'en reçois un à chaque année. C'est une tradition, en fait, familiale. Mais je trouve que ça part bien la nouvelle année et ça te dit, justement, « Ben, je vais être avec toi pendant tout un... » une année complète. Trop cute. Et bien évidemment, autour d'une trentaine de dollars, bien, vous pouvez certainement, certainement avoir des alcools qui vont être soit des microbrasseries, soit des alcools spécifiques. Donc, si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau est un amateur, par exemple, de vin, bien, une trentaine de dollars, vous pouvez très bien faire un paquet cadeau. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très le fun à recevoir aussi, que ce soit une coupe de vin avec une bouteille ou encore quelque chose qui va bien se marier avec tout ça. Ce sont des choses qui sont facilement trouvable et vous allez certainement avoir un petit boost de Noël qui va vous stresser, mais ne vous inquiétez pas. Oui, effectivement, je suis stressé en ce moment. Ça va être bien contrôlé. Il reste 3 jours avant de pouvoir se calmer parce que les cadeaux vont être achetés. Oui, exact. Après ça, c'est la réaction qu'il faut attendre. Oui, c'est... honnêtement, moi, j'ai rarement vu quelqu'un de déçu à recevoir un cadeau. C'est vrai. Je dis ça comme ça. À part des « ouais, merci, c'est cool, je sais pas ce que je vais faire avec. » c'est ça. C'est rare que tu as ce genre de réponse-là. Mais on dirait que ça dépend de l'âge. Hein. Il y a des jeunes d'une certaine tranche d'âge qui sont très, très... ils disent tout de suite quand quelque chose leur plaît pas ou genre « je m'en servirai pas, t'es mieux d'aller te faire rembourser. » On dirait qu'il y a comme... C'est vrai, hein? Une tranche d'âge. Je sais pas si c'est les 20. Mais c'est ceux qui sont les plus jeunes et... ouais, c'est ça, c'est souvent ça. Tu sais, ceux qui sont en adolescence, là, bien souvent, sont comme « ouais, tu sais quoi avec ça? » C'est quoi? Tu me connais pas? C'est quoi? As-tu déjà vu utiliser ça? Un livre? Hey, un peu d'appréciation. Hein? C'est l'intention qui compte. Est-ce que tu peux lui acheter de l'appréciation? Il y a surtout aussi les cartes cadeaux, si vous ne savez pas quoi acheter. Mais comme on a dit, hein, essayez d'y aller plus spécifique. Là. Oui, c'est exact. Apparemment l'indice. Là. Mais apparemment que les Québécois aussi ont une forte appréciation des cartes cadeaux depuis les dernières années pour le temps des fêtes. Moi, donc, de façon spécifique aussi, c'est génial. Par la suite, ils ont juste à aller chercher ce qu'ils veulent. Tout à fait. Et voilà. Merci, Tintin. Fait plaisir. On fait Tanias Grand-Chetanienne, dernière fois dans l'émission de demain, mercredi. Oui. Ouais. Après ça, Colin, ça ira en janvier. Pendant les fêtes, il n'y aura pas ça. Non. Aucune chronique de Tanias Grand-Chetanienne. on va s'endetter avec tout ça, je pense. Oui, je pense que oui. Ça se pourrait, hein. Donc, on écoute That We Ain't Got No Money par Jesse Brown à Sondage. Take my time instead. Jesse Brown, that we ain't got no money. Retour de la pause. C'est pareil comme dans un autobus, il va falloir mettre de la petite monnaie dans la fente pour partir de la chronique. Donc, le bus magique, au retour. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi, question le 20 décembre 2016, Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument. maintenant, tiens, on a quelqu'un qui habituellement est là le lundi, mais là, elle a sauté une semaine, puis là, l'autre semaine, t'es pas là, puis là, l'autre semaine, t'es un autre jour, puis là, l'autre semaine, en tout cas. C'est mêlant. Elle a pas de case, on dirait, spécifique. On l'accueille quand elle est disponible. C'est le fun, non, mais pour vrai, c'est comme une VIP, tu peux venir quand ça te tente. Oh, merci. C'est le fun. C'est Alassania Couilly, voici, et le bus magique. Bonjour à toi, Alassania. Bonjour, merci pour cette belle introduction. C'est vrai que je m'ennuyais quand même beaucoup de vous autres. Ben oui, mais c'est ça, nous aussi. Et c'était vraiment pas un reproche sur la case horaire. C'est vraiment une question de ta vie est très occupée. On est même chanceux de t'avoir, je pense. Merci beaucoup, c'est moi qui suis chanceuse. Ah, t'es parfait. Donc, on parle de santé avec toi souvent, de tout ce qui entoure la santé, le corps humain, la médecine, la science. Mais on dit en tant que tel le corps humain comme rubrique. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Comme ça va être la dernière chronique de l'année, j'ai pensé à rendre ça un peu plus joyeux. Puis pour cette chronique, je vais pas expliquer de phénomène ou comme à l'habitude, mais je vais vous lire quelques passages d'un livre. Il y a un livre que j'avais lu puis j'ai trouvé très intéressant et aussi très drôle. Ça s'appelle « C'est grave, docteur ». C'est un médecin, ça s'appelle docteur Michel Hubert, c'est un médecin français qui a compilé au bout de 30 ans toutes les phrases farfelues ou toutes les belles perles qu'il a entendues de ses patients. Je trouvais ça vraiment, c'est drôle, mais moi je l'ai trouvé très intéressant parce que ça illustre à quel point le langage médical peut être différent du langage de tous les jours, de monsieur et madame tout le monde. Oui. Tu sais, des fois on peut, c'est pas pour rire des gens, mais ça, c'est comme, moi, je le savais, j'en étais consciente vu mon background en santé, mais on dirait quand j'ai lu ce livre, ça m'est sauté aux yeux, je me disais, oh mon Dieu, à quel point c'est deux mondes différents. Mm-hmm. Ça ressemble un peu à quand tu vas au garage puis tu commences à faire des bruits bizarres. C'est aussi drôle que ça. Oui. Tu sais, mon char, tu sais, il fait des... Exactement. Ça m'a fait chez le médecin. Ben, le mécanicien, c'est le médecin des voitures. Exactement, c'est ce qu'on dit. Bon, ben, je vais vous lire quelques petits passages, puis en même temps, je vais commenter pour dire où la personne s'est trempée et puis pourquoi il a dit ça au lieu de dire ça. Et dire le nom de la personne pour qu'on puisse aller les harceler sur Internet, c'est ça? Il n'y a pas de chance parce que c'est complètement anonyme. Anonyme, bon. Bon, la première, je vais dire la personne, dit « Bonjour docteur, je vais vous prendre comme révérend ». Comme c'est cute. Ça vraiment, ça témoigne des fois de la grande confiance qu'on peut avoir en son médecin. C'est ça, c'est ton révérend, c'est ton c'est la parole de l'évangile, ce que le médecin te dit. C'est pas toujours le cas de parler du médecin. Le mien, moyen. Hein? Allô, mon médecin. Je compatis. Oui, merci. Une autre, une personne qui dit « J'ai une hernie fiscale ». Au lieu de dire « Hernie fiscale ». Oui. J'ai trouvé ça drôle parce que, vous savez, la définition d'une hernie discale, c'est quand un disque intervertébral, vous savez, les vertèbres, ils se touchent pas les uns avec les autres, les unes avec les autres, on a un disque qui sépare chaque deux vertèbres. Une hernie discale, c'est quand ce disque-là glisse ou change de quelques millimètres ou quelques dixièmes de millimètre de place, puis c'est extrêmement douloureux. Oui, j'entends dire ça. C'est comme... moi, j'ai trouvé ça drôle, l'hernie fiscale. C'est drôle parce que c'est une des seules affaires que le gouvernement t'enlève pas, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, la suivante. Il y a personne qui dit « Je suis trop souvent enrhumée, envoyez-moi chez le rhumatologue. » Ah, ben oui. Ben oui. Voyons, c'est le rhumatologue. Ouais, le rhumatologue. Et tu devrais aller là, Mathieu. Ben oui. On sait jamais. C'est comme si tu veux faire changer mes pneus avant le 15 décembre, faut que j'aille chez un pneumologue. Tout le monde sait ça. Tout à fait. On est passé à la date, c'est pas. Exactement. Mais tu sais, des fois, les gens, ils disent, ah, oh, mais pourquoi est-ce que le médecin ne m'envoie pas chez tel ou tel spécialiste? Puis des fois, on sous-estime tant la médecine familiale. Vous savez, la médecine familiale, c'est la pierre angulaire du système médical. Ouais. Parce que heureusement que dans le système médical en Amérique du Nord, tu ne peux pas juste aller voir par toi-même un spécialiste. Il faut vraiment avoir un billet. Il faut qu'un médecin de famille te réfère chez un spécialiste. Mmh. Dans d'autres pays, tu peux aller voir n'importe qui, surtout si tu consultes en privé. Et c'est vraiment problématique parce que des fois, bien souvent, ton cas ne nécessite pas d'aller voir un rhumatologue, un cardiologue ou tout autre spécialiste. Donc, la médecine familiale, c'est vraiment la porte d'entrée du système de santé. On le dit, il faut faire confiance au médecin. On espère avoir toujours de bons médecins. Surtout quand il devient ton médecin permanent depuis hier. Moi, j'ai le même depuis que je suis née. Ah, félicitations. C'est cool. Je fais pas qu'il meurt. Espérons qu'il ne meurt pas, ever. Oui, c'est sûr. Mais rappelle-nous donc, c'est quoi un rhumatologue, juste pour ceux qui... Un rhumatologue, c'est une personne qui s'occupe... c'est une personne spécialiste de tout ce qui est rhumatisme, de tout ce qui est... ça pourrait être un rhumatisme articulaire ou un... On entend aussi rhumatisme articulaire aigu. C'est une sorte de maladie que la personne peut avoir suite à plusieurs infections par le streptocoque. C'est comme une personne qui a eu plusieurs angines dans l'enfance, puis que ça n'a pas été traité ou ça n'a pas été correctement traité. Eh bien, ça produit ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Donc, aucune morve là-dedans? Non, il n'y a pas de morve là-dedans. la prochaine perle, c'est... Ah, celle-là, je l'aime bien. Docteur, redonnez-moi de l'acétate de chromogluconate, c'est un médicament, mais marquez bien que je ne veux pas de générique. Non. Ça, c'est drôle. La personne, elle ne donne même pas le nom, elle donne juste la molécule, puis elle dit qu'elle ne veut pas de générique. Et ça, c'est vraiment... Les génériques ont été victimes d'une mauvaise publicité. Les gens cherchent souvent la marque, puis quand si c'est la marque, pour ne pas dire, j'essaye de me retenir pour ne pas donner d'exemple ou faire de la publicité. Vas-y avec genre, c'est comme l'équivalent des produits compliments chez Metro, ils sont tout le temps mauvais. Fait que tu veux prendre le vrai. Ouais. Mais c'est ça. Par exemple, tu dis non, moi je veux du Kleenex, je veux pas un mouchoir en papier, mais c'est la même chose. Kleenex, c'est juste une marque des mouchoirs mais de papier. Mais il est plus doux, pas mal. Dans ce cas-là, Mathieu, il est habitué de se moucher, fait qu'il pourrait nous le dire. Il faut de la lotion puis de l'aloe. Oh, il a du Kleenex en plus. Ben oui. Aloe. Même si le pharmacien n'aime pas l'aloe. J'ai des Scotties puis je vis très bien avec mon choix. Oh, mais Scotties, c'est aussi une belle marque. Oui, je sais, c'est mais d'après moi. C'est pas du Life, là, c'est. D'après moi, les tiens sont plus. Soyeux. Aloésés que les miens. J'ai un nez de fille très sensible. Oui, c'est vrai. Sinon, ça va devenir tout rouge. Oh, c'est pas un nez de fille très sensible, c'est un nez d'aristocrate. Ah, d'accord, merci. Ah, voilà. C'est tellement. T'es à deux doigts d'avoir le sang bleu. Ouais, en tout cas, selon ma mère, on va y rouge pas mal. Bon, c'est ça. Les médicaments génériques, c'est des médicaments qui contiennent exactement la même molécule. Pourquoi est-ce qu'ils sont moins chers que les autres médicaments? C'est pas parce qu'ils sont bas de gamme ou que c'est pas de la bonne qualité, mais c'est parce que c'est une loi qui dit que, mettons, si moi j'ai trouvé une molécule, puis si toi tu veux faire un médicament avec la même molécule, tu n'as pas le droit, premièrement, de le faire qu'après un certain nombre d'années. Peut-être 20 ans, je ne suis pas sûre. S'il y a un brevet, c'est sûr que c'est 20 ans. Et il faut que ce soit moins cher parce que toi, tu n'as pas payé en recherche et développement. Mm-hmm. Tu as pris la molécule juste toute prête. Donc, ça doit avoir les mêmes adjuvants. Les adjuvants, ce sont toutes les autres molécules qu'on utilise pour stabiliser le médicament ou pour que ce soit dans la forme comprimée ou sirop ou whatever. Donc, ça contient exactement la même chose. C'est moins cher, c'est juste parce que l'autre personne a été plus intelligente d'attendre qu'il y ait une molécule sur le marché. Et c'est pas juste c'est une question aussi de... Il n'y a pas eu de marketing, il y a plein d'autres facteurs qui déterminent le prix d'un produit. Et c'est pour ça que notre comparaison avec les produits maison d'épicerie est complètement boiteuse parce qu'en tant que tel, c'est pas fait de la même façon. Souvent, mettons, tu vas acheter, je sais pas, un mouchoir, par exemple. Le mouchoir n'a pas été créé exactement de la même façon. Il est plus rugueux parce qu'il a été créé par quelqu'un d'autre avec d'autres sortes de fibres. Tout à fait, je te comprends. Bon. Je justifie mon Kleenex avec aloe. Il y a une personne qui pose une question. Croyez-vous aux compliments alimentaires? Probablement. Il voulait parler des compliments alimentaires. Oh, c'est gentil, la nourriture. Oui. Elle veut mon bien. C'est ça. ça a l'air. T'as un pot de fraise. T'as une peau de fraise. Une peau de fraise. Après une taille de guêpe et une peau de pêche. Exactement. Une peau de fraise. Pas bon, ça. Une autre perle. On m'a enlevé la vésicule immobilière. Oh! OK. Wow. Non. Bon. Ça, c'est. C'est pas la majeure. Pas fameux. Bon, la personne voulait parler probablement de. Sûrement, la vésicule biliaire. Probablement. Et oui, on peut enlever la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, sa fonction dans la vie, c'est un réservoir pour la bile. Donc, la bile se stocke dans la vésicule biliaire en attendant le pool alimentaire ou le stock alimentaire ou le bol alimentaire qui est dans l'estomac. Puis la bile va être versée après pour commencer le processus de la digestion chimique. Pourquoi est-ce qu'on enlève la vésicule biliaire? Souvent, il peut y avoir des calculs ou des pierres dans la vésicule. La bile se cristallise et forme des pierres. À un moment donné, ça devient problématique, puis il faut enlever la vésicule biliaire. Donc, pour ces gens-là, ils n'ont plus de stock de bile, fait que la bile est versée directement. Donc, il y a un régime alimentaire adéquat à suivre, mais c'est pas aussi handicapant que ça. Non, on survit bien. On survit super bien. Tu sais que Tania est en train de mentionner le fait qu'elle avait elle-même plus de vésicule biliaire. Oh! Elle pensait que j'allais le dire, je me retenais et elle l'a fait elle-même. J'ai l'ai vu dans tes yeux. Je t'ai même pas regardé de tout le long. Non, elle se trouve la bile, comme on dit. Oh, mon Dieu. Oui, non, j'en ai plus. Ben non, c'est fini ça. Une autre perle. Docteur, êtes-vous aussi vétérinaire? Ma chienne m'a mordu. Oh mon Dieu. Ah ben oui, c'est sûr. Tu sais, ils sont généralistes, fait que tu sais, ils connaissent vraiment les furets. Tu sais, dans les villages, là, c'est éloignés. Là, tu arrives à l'hôpital, puis il y a Docteur Doolittle. Docteur Doolittle. L'autre perle, ça vient d'un enfant. Puis c'est toujours plus cute quand c'est ça va. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est tellement honnête, il dit. C'est les animaux. Pardon? C'est les animaux. C'est les animaux. Les enfants et les animaux, c'est non, les mais plus... les animaux ne posent pas de questions aux médecins. Exactement. Ah, en tout cas. Parle à Dr. Doolittle. L'enfant a 8 ans, il dit « Pourquoi tu me demandes mon âge et tu ne me souhaites jamais mon anniversaire? Oh. » Mais c'est cute. C'est cute, mais hein. Est-ce que le médecin répond avec ses doigts quand il dit son âge, lui aussi, genre? Le médecin, tu sais, vu qu'il veut être avec... Tu sais, les médecins professionnels des enfants, tu sais. Ouais. Que l'enfant lui demande tout à quel âge, il fait genre « J'ai 5 ans... » 7 ans... Ben, ça se pourrait, tu sais. Des fois, les pédiatres, ils doivent vraiment user de toutes sortes de méthodes ou de s'adapter ruses, aux enfants. De s'adapter aux enfants pour faire à l'enfant. Des fois... T'es un adulte puis t'as du mal à prendre un médicament parce que ça goûte pas bon ou ça sent pas bon. Fait qu'imagine un enfant. C'est ça, les parents ont de la misère à faire ça à leurs enfants. Imagine un médecin qui est pas Exactement. Son parent puis qui a aucune autorité sur lui dans le fond. Ça, Exactement. Là, le médecin qui questionne son patient dit « Vous dormez comment? » Puis le patient, il répond « Honnêtement, au premier degré, en pyjama. » Ah, mon Dieu! Une chance, il a pas dit tout nu. Dans mon lit... Il aurait dit que ça aurait été de sa faute, le rhume. C'est ça. Tu couches les fesses à l'air. C'est comme, j'ai vu une bande dessinée sur Internet, je sais pas c'était de qui, mais ça disait genre, où est-ce que vous avez... le gars, il dit genre, j'ai mal à trois endroits. Mm-hmm. Puis le médecin, il répond, ben là, arrête d'aller à ses places. Évidemment, voyons. Voyons non, centre-ville, c'est pas de bonne place. Voyons non. Une autre paire, j'ai contracté le spécialiste. Je pense que la personne voulait dire qu'elle a contacté le spécialiste. Ouais, ou qu'elle a contracté un streptocoque. Mais elle a mélangé les deux ensemble. Il y a sûrement un père ou une mère qui dit « Mon fils est trop paresseux. Je vais lui faire travailler ses méningites. » Ah, c'est méningites, oui. Ménage. Un remue-méningite. Un remue-méningite. Un brainstorm. Puis juste... Tout ce qui se termine avec « it », ça signifie une infection. Ah, méningite. Sinusite. Bronchite. Plutôt une inflammation. Méningite, inflammation des méninges. Bronchite, inflammation des bronches. Brigitte. Ouais, inflammation Brigitte, des Brigitte. Ben, non. Pas sûr. Et non. Tu le demanderas. Il est suivi pour une apnée du sommeil. On voulait parler d'une apnée du sommeil. Quand même. C'est difficile à dire apnée. En tout cas, t'as le rhume. Apnée. Ouais. On m'a fait 3 points de soudure. J'arrive même pas à le dire. Pour parler des points de suture. C'est triste, ça. Ça manque vraiment de... Ouais, c'est ça. Mettons de connaissances générales. Ou t'es soudeur, puis tu t'es trompé. C'est ça, ben oui, ça aide. Là, une personne dit « Je ne veux plus revoir les spécialistes pour mes vertiges. » Le spécialiste pour mes vertiges, il m'a dit que je faisais des manières. La personne a été offusquée. Puis, parce qu'elle croyait que le médecin disait qu'elle faisait des manières ou... Comme dans... ouais, ça inventait des problèmes. C'est ça. Ouais. Alors que le spécialiste voulait parler de vertige de Ménière. Ah, de Ménière! Malaise! Vincent Vallière, oui, Molière. Ça. Pareil. Et il y a une personne qui dit « J'ai attrapé une sciatique » en voulant parler d'une sciatique. Pas sûr que ça soit aussi le fun. On a tous entendu aussi un air asiatique. Oui. C'est quand même drôle, mais peut-être trop évident. Je l'avais aussi dans le livre, oui. Ils sont tous dans ce livre-là, c'est incroyable. C'est sûr. Puis il y en a un qui dit « Je viens vous voir car les médecins, c'est tous des cons. » Ben oui. Merci, madame. Mais ouais. Bonjour, je vais vous soigner. Il va cracher dans ton corps comme au restaurant. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. Dit, je suis mort de trouille, j'ai rendez-vous avec l'euthanasiste. Oh mon Dieu! c'est vraiment le la plupart des gens ont peur de l'anesthésie. La plupart des gens ont peur de l'anesthésie parce que pour la plupart des gens, ils disent l'anesthésie, ils vont t'endormir. C'est comme si tu étais mort, puis ils vont te réveiller. Tellement pas. Puis c'est ça, tellement pas et tellement oui, parce qu'ils endorment tous les muscles. Mm-hmm. Comme tu perds le contrôle de ton corps, le corps mais est contrôlé. Mais tes signes vitaux continuent. Oui, tes signes vitaux continuent. Mais c'est comme si t'étais paralysé, en fait. Ouais. C'est ça. Mais tu t'en rends pas compte, au moins. Au moins, tu le sais pas. Tu le sais pas, mais c'est vrai que c'est la peur numéro un dans les chirurgies. Et si je me réveillais pas de l'anesthésie? On évite ça de nos jours, non? Le plus possible. Le plus possible, oui. La plupart des temps, on utilise ce qu'on appelle des rachis lombaires. C'est des anesthésies locales. Surtout si on veut opérer les parties inférieures du corps. Là, on peut se permettre d'utiliser la rachis lombaire qui anesthésie juste tout ce qui est du bas-ventre. Mais malheureusement, tout ce qui est opération sur le cœur, opération sur le système gastrique, opération sur le système respiratoire, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'anesthésie générale. Pas d'arachide Lambert là-dedans. Non, d'arachide Lambert là-dedans. Tout ce qui est neurochirurgie, on n'utilise que l'anesthésie générale. Ouais. On l'a tous vu, en tout cas, la plupart des gens ont vu sur Internet les gens qui se faisaient jouer dans le cerveau, mais qui pouvaient continuer de chanter, jouer du violon. Mm-hmm. Oui, ça se fait pour des raisons médicales, neurologiques et des raisons médicales. Des fois, on a besoin d'opérer dans certaines zones précises du cerveau, fait qu'on a besoin que le patient soit conscient. Pour trouver la zone, ouais. C'est ça. Fait que Est-ce que c'est parce qu'il va réagir d'une certaine façon en se faisant toucher à cette zone-là? Ça se pourrait qu'il réagisse d'une certaine façon en se faisant toucher dans cette zone-là. Mais quand on leur demande de jouer du violon, c'est parce qu'on cherche la zone qui va l'empêcher de jouer du violon? Probablement pas. Des fois, c'est parce que le fait de jouer du violon ou des fois le fait Divertis de jouer de la dextérité. Ou le fait, c'est ça, c'est pour la dextérité, okay. C'est pour opérer la zone de la dextérité. Ah, ben bâtard! Et aussi, des c'est fois, pour voir. Ouais, bravo! Et puis aussi pour voir. Même sans vésicule biliaire. Merci, Grey's Anatomy. Ah, c'est une super bonne chose. Ouais, c'est ça. Elle a des connaissances à cause de ça. Mais c'est tellement véridique, juste une parenthèse. Grey's Anatomy et il y a une autre série, mais ça c'est plus vieux, Urgence. Oui. Ils avaient embauché de vrais médecins. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça pour qu'ils les briefent puis pour que. C'est les meilleures séries, c'est ceux qui se basent vraiment sur les vrais médecins. Même chose pour la nouvelle qui s'appelle Chicago Med. Ils ont sur le plateau tout le temps des médecins avec eux pour leur expliquer. Ce qu'ils doivent dire. Pour vrai, si j'étais vous à la maison, je n'écouterais que des séries avec des conseillers comme ça. Ah, parce que les autres, c'est n'importe quoi. Non, c'est ça. Pour vrai, OK. On doit la vacciner... Ça, c'est un parent qui parle de son enfant. Il dit, on doit la vacciner contre l'aurore. L'horreur. Il parlait du vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Ouais, rhubarbe. Rhubarbe. Même chose. On rappelle qu'on est dans le livre Ces grands docteurs où on parle de drôles de petites perles que les médecins et les patients ont vécues ensemble. Des bons moments. Mm-hmm. Il y en a une, mais ça, je la trouve pas aussi vraiment joyeuse. Il y a un patient qui dit j'ai peur d'être zéro positif. Oh mon Dieu. Oh, t'es tellement négatif. Oh. Sois hop la vie. Allez. Crois en toi. Il y, a quelqu'un qui dit « J'ai entendu à la radio... » Et non, nous, on dit pas ça. Non. « J'ai entendu à la radio que vous pouvez me donner des gélules souches. » Des gélules souches. Des gélules souches. Ben, c'est comme prendre de l'oméga 3. Ben oui. Vous voulez parler souvent, probablement, des cellules souches. Mm-hmm. Vous savez, il y a plusieurs, comme par exemple, les leucémies, ça peut se soigner en greffant des cellules souches. C'est pas des capsules que tu prends. Non, c'est pas des capsules que tu prends. C'est un long, long processus afin de déterminer si tu peux recevoir, oui ou non, ces cellules souches. Puis s'il y a un donneur qui est 100% compatible avec toi. Docteur, si vous baissez vos tarifs, je vous prends comme médecin traitant. Ah, mon Dieu! Oui! Mais quoi que dans certains... comment est-ce que ça fonctionne ailleurs? C'est pas, est-ce que c'est toi qui choisis ton médecin quand même? De famille, mettons, ailleurs qu'ici? Oui, exactement. OK, parce qu'ici, c'est le médecin de famille qui décide s'il y a de la place pour te prendre. Exactement, mais ailleurs, oui. Mais je vais parler du Maroc, par exemple. Ouais. C'est toi qui décides ton médecin de famille parce que tu peux aller consulter au privé, puis c'est ça, au privé, tout le monde a de la place. Mais tu peux pas demander au médecin de descendre ses prix. Non, tu peux pas demander au médecin de descendre ses prix. Non, mais c'est un petit peu la même chose ici. En fait, si tu vas au privé, t'as le choix. Oui. Okay. C'est juste que tu vas payer. Oui, c'est ça. Puis en parlant de... En parlant d'anesthésie locale, justement, ça revient. On dit, on m'a fait une euthanasie locale. Ah. Oh mon Dieu, ben oui. T'es juste mort, mais du milieu du corps. C'est correct. Il y a une personne qui dit, j'ai une insuffisance, mais je sais plus de quoi. Ah, bon, d'accord. Ouais, OK. Ça doit être du cerveau. Mais c'est ça, une insuffisance d'information. J'allais dire la même chose. Ouais. Donc, ça, c'est le médecin qui demande, vous portez des lunettes pour lire, puis la personne, elle répond, non, c'est pour voir de près. Ah, oh, mon Dieu! Mais tu sais, des fois, les médecins, ils n'adaptent pas vraiment leurs questions. C'est clair dans sa tête, oui, mais c'est oui. pas clair dans la tête du patient. C'est, ben, mais ça se passe tellement vite hein, dans la tête d'un médecin aussi, à un certain moment. Hein. Oui, c'est bon, il a adapté son langage, il n'a pas dit, il n'a plus, il n'est pas exact. Il y a une personne qui dit « J'ai signé mon consentement éclair. Oh. » Éclair, c'est éclair, comme au chocolat. C'est éclair. Mais on parle là de consentement éclairé. Ouais. Dans certaines spécialités, c'est obligatoire. Il faut que tu le signes avant que le médecin ou avant que le praticien... Ouais. Avant que le praticien commence le traitement, c'est juste pour dire que tu es au courant de ce que tu as, de ce que ça prend pour te soigner, puis que tu es d'accord pour être soigné. Que ça veut pas dire que tu vas être nécessairement guéri, que ça se pourrait que tu en sortes. Exactement. Oh. Exactement. Il y a une madame qui dit « Je risque d'avoir une césarienne parce que les bébés ne passent pas par voie orale. » Elle voulait probablement vomir son bébé. Au moins, il n'y a pas de croûtons et de petites lettres américaines dans sa césarienne. Oh. Et j'ai fini avec la dernière, qui est pour moi la meilleure. Okay. C'est quoi au juste cette grippe aviaire? Là, on voulait parler de la grippe aviaire. Aviaire? Oui, la grippe aviaire. Probablement, la personne a entendu parler de grippe ou d'épidémie puis qui voulait savoir ce qui se passait. C'est vraiment un très bon livre. Ça se lit en 30 minutes. Puis ça met vraiment l'emphase sur le fait qu'il y a deux réalités, la réalité des soignants puis la réalité du patient, et que souvent, malheureusement, on ne fait pas attention à la composante sociale de la maladie puis à la composante sociale de la médecine. Puis c'est ça qui fait des fois qu'on ne fait pas assez confiance à nos médecins ou on dit que mon médecin ne me comprend pas ou que je ne comprends pas le traitement ou que je n'adhère pas au traitement parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois prendre ça. Ou ma pharmacienne dit que ce n'est pas le bon traitement. Exactement. Ça peut arriver, là, juste au hasard. Mais... Là, on n'est pas en train de mettre tout sur le dos des médecins. C'est vraiment un système très complexe. Ouais. Le fait de ne pas avoir assez de temps, le fait de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça, c'est vraiment tout le système qui est à revoir, pas juste une seule composante. Merci Alessandra, je te mets au défi de finir chaque session avec une chronique comme celle-là, parce qu'on sait que tu vas être avec nous pour le futur et l'éternité. Exactement. Donc la prochaine session, tu vas faire la même chose. Est-ce que ça tente de juste prendre une page au hasard puis dans les runes voir? OK. Genre, on a encore du temps. Quelque chose de drôle. Quelque chose de drôle. Bon. Je vais lire ce que j'ai trouvé là. Oui. J'ai été opérée d'un striptease des jambes. Non, boy! Oui! T'as trouvé une drôle, c'est drôle. Est-ce qu'il y a toute l'explication sur chaque page? Non, il n'y a pas d'explication. C'est ça le bémol, il n'y en a pas. C'est comme j'avais donné ça à une amie pour le lire. Elle n'est pas du domaine médical, elle n'a pas ri autant que moi. C'est ça le petit bémol. Mais tu peux pas faire des recherches non plus sur Internet pour savoir ce que c'est si le mot en tant que tel n'est pas le bon. Exactement. Il y a des petites astérix quand ça parle de maladie, il y a des petites astérix, mais quand c'est juste des lapsus de langage, il n'y a pas d'explication. Ah. Mais c'est drôle pareil. C'est excellent. Non, c'est ça. Rappelle-nous le nom de l'auteur. L'auteur, ça s'appelle Dr. Michel Gilbert et le livre, ça s'appelle « C'est grave, docteur ». Aux éditions de quelque chose? Oui, j'ai toujours les éditions de L'Opportun. Génial, on se renseigne là-dessus, c'est vraiment cool comme petit livre, j'adore ça. En plus, c'est écrit super gros, ça se lit vraiment, c'est à peine s'il n'y a pas des dessins dessus. Ça. Exactement. À la Saliac, oui, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Pour toute l'année, l'automne qu'on a passé ensemble, c'est fantastique de t'avoir pour vous. Je vous souhaite à vous et à tous nos auditeurs un joyeux temps des fêtes, puis moi je vous retrouve dès 2017. Génial, en janvier, ça va être le fun. Merci à la Saliac. On prend une pause au retour, ce sera David Ferron qui va être là pour la dernière fois lui aussi cette année. On fait dernière fois dans une chronique. Indice, clin d'œil. Au retour donc, David Ferron et la carte Bleach. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 20 décembre 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, comme on a David Ferron, on a évidemment des difficultés de boutons, hein, parce que c'est très compliqué, cette petite machine-là. Honnêtement, je crois pas que ce soit David le problème. Il y a vraiment un manque de connexion sur David, l'entrée. David, t'es blanchi de tout soupçon. Ben oui. Félicitations. Prends-en un autre. Un autre prise. C'est fun. Il y en a plein de prises. Tu pourras me dire salut à Van. Hey, bonjour! Ah, David Ferron, David, salut! Salut! Oui. Mon cœur est meurtri, mais je suis pareil. David est rendu exilé dans un autre local que le nôtre. On l'a changé de place avec Tania, qui est rendue à côté de moi dans le bureau. On l'a cloîtré. Il avait besoin de sa place de réunion pour le zone campus, c'est pour ça. Hein? C'est vraiment pour ça, en fait. Oui. C'est super comme place. Puis si en plus, ça peut t'adonner que tu peux faire tout ce que tu veux, écouter de la musique... Poche! Pop! dans ton local, t'as droit. Bref, David qui est là pour sa chronique de la carte Bleachée. Est-ce qu'on y va? Non. Non? Non, on va plutôt dire salut les auditeurs. Et voilà, c'était tout. Ta voix est si mélodieuse quand tu imites cette voix féminine quelconque. Donc voici David Ferron et la carte Bleachée. C'est David. Mais bonjour, comment ça va officiellement? Ça va très bien officiellement. Yay! Non officiellement, ça va moins bien parce que j'ai une sinusite. Ah, c'est triste ça. C'est comme ça. Mais toi, pas de maladie? Pas pour l'instant. T'as une couette dans les airs, je sais pas si tu savais. Ah! C'est comme pas rapport sur le côté, mais ça, ça va. Ah! C'est quoi on fait bien sauf cette couette-là? Ouais, c'est qu'en fait, c'est ça qui arrive quand t'as les cheveux frisés. T'essaies de te payer n'importe comment, mais il y a toujours le petit côté frisé qui va ressortir. Oui, c'est comme frisou. Pourquoi vous vous laissez pas friser, point? J'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Ah, ok. J'ai besoin t'as les cheveux frisés, Mathieu? Ben, un peu gondolé, mettons. Ah ouais? Pas frisé en tant que tel, pas en petit bouchon, mais en vague. Là. En fait, je pense que ça paraît même avec le produit. Je m'assume là-dedans, mais j'essaie de le calmer un peu. Ben moi, je l'assume pas. Faudrait que j'aie une thérapie là-dessus. Ouais. Ah, mon Dieu, OK. Tania, les cheveux très plats. pour ceux que ça intéresse de savoir. Ouais, c'est parce qu'ils sont plaqués. Ah, voilà. Toi aussi, tu gondoles? Oui, je gondole. Puis après ça, je te demande pourquoi vous voulez les laisser pas friser. Hein, Tania? Ben, je l'ai fait des fois, ça dépend. Ah ouais, quand ça? Lors des soirées spéciales, elles se les rebouclent encore plus qu'elles sont. Non, mais là, présentement, ils sont bouclés. Bon. C'est juste que vous voyez pas à cause des écouteurs. Ouais, c'est ça. Et tu te, je pense que tu teins les cheveux aussi. Hein? Oui, oui, ça. Ça, nous autres, on fait pas ça au moins. Ça, oui. Pourquoi tu teins les cheveux? Parce que. Parce que c'est de mes affaires. Parce que je suis sûre que si j'arrête de le faire, je vais avoir des cheveux blancs. Ah! Hey, moi, David me le dit à chaque semaine. Je pense que littéralement, depuis le début de l'automne, à chaque semaine, tu me dis que. Ouais, mais David aussi, il y en a un petit peu. Là. Ah oui? Ouais. Oh. Ben, je sais pas, ça a l'air que depuis que j'ai 9 ans, j'ai des cheveux blancs. Ah. Je sais pas si c'est parce que mes cheveux. Sur quand les temples. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, quand j'étais super jeune, j'avais les cheveux blonds blond. Platine. Moi aussi! Mais platine! Platine. Ouais. Marilyn Monroe à côté de moi est foncée. OK. Fait je sais pas si c'est un relan, c'est vraiment des cheveux blancs ou c'est du platine intense. C'est bizarre qu'un gars qui bouge autant que David Ferron n'ait pas le visage qui a l'air plus vieux que ça. Je pense dirais que tu bouges beaucoup, tu as eu beaucoup d'expérience de vie, tu devrais avoir des rides partout. Parce qu'il s'hydrate bien. Il s'hydrate bien. Bref, on parle beaucoup de notre physique aujourd'hui, pas vraiment de contenu à la date. T'es là pour nous présenter tes pièces préférées de l'année, si je me trompe pas. Une chance que Alassania était là tout à l'heure. Pour la comment t'appelles ça? Pour le contenu. Voilà. Ben oui. Moi, en fait, je vais essayer d'être pertinent, mais c'est sûr que venir après à la Sagna... Là, tu fais référence à une chronique que les gens n'ont pas nécessairement entendue avant. Là. Oui, c'est vrai, la chronique médicale où ce qu'elle faisait plein de bons jeux de mots. Tu devrais prendre note, Mathieu. Merci. Les bons inspirations pour toujours. Ah, ben, c'est excellent, ça. C'est mon mentor. C'est bien. Et non menteur. Mentor. Drôle, c'est très drôle. Donc, musique. On aime ça créer des malaises, ça paraît-il. La. Tu voulais pas que je fasse n'importe quoi pour remplir ta chronique, dans le fond? Non, ben, dans le fond, c'est ça. C'est juste que tu nous rends jusqu'à 9h30. Donc, les chats sont diaboliques. Écartelons les chats. Écartelons. Ben oui, et l'écartelage. Je sais pas. C'est quand, mettons, là, tu mets quelqu'un sur une plage, n'importe quoi, mm-hmm. et le but, c'est que t'étires les bras et les jambes jusqu'à temps que les os se cassent. Comme les tueurs en série. Pourquoi on parle de ça? Je sais pas, hein, pour remplir ça. On est pas censé présenter des pièces musicales présentement. Donc, c'est pas la musique du monde que tu présentes aujourd'hui. Pour pas en tout. Parce que c'est la musique du monde, c'est à l'Obtrotter. Donc, quand il vient pour la carte Beachy, il va dans un autre domaine. Demain soir, c'est ça? Oui, mercredi. C'est-tu spécial Noël? Ben non, en fait, c'est une rediffusion demain. C'est dans mes poches. Tristesse. Ben, t'es-tu malade, toi, comme nous autres, pour prendre des rediffusions tout le temps, non? Non, c'est pour mieux revenir en janvier, encore meilleur, pour avoir le temps. Donc, je recule pour mieux revenir. Fait que là, tu nous présentes des tunes de Noël aujourd'hui? Pas peur. Ben voyons! On lui prend des intentions. Hey, lâchez-moi avec vos tunes de Noël. Donc, du traditionnel pour le jour de l'an, tu nous présentes. Ouais, exact. Non plus. Non? Donc, l'action de grâce en retard, peut-être? Non plus. Traditionnel, un peu. T'as une dingue, non? Non plus. Bon, qu'est-ce que tu me présentes d'abord? Des tunes bien ordinaires que je présente. Prenez n'importe quoi. OK, d'abord. C'est la dernière semaine live de l'émission. Profitez-en. Oui. Donc, je me permets de faire une incursion pop. Ah, OK. Oui. Ben, en fait, on va voir trois types de pop différentes. OK. Donc, on va passer vraiment de la pop sucrée à de la pop orchestrale. Mm-hmm. Oh! Donc, en fait, c'est toutes des femmes, parce que les femmes, cette année, au niveau de la musique, ça a été assez intense. On pense à Safia Nolin, notamment, mais il n'y a pas juste Safia Nolin qui peut faire preuve d'audace. Il y en a trois autres. En fait, c'est deux chanteuses et un groupe. Et là, le premier groupe que je vous présente, ça s'appelle Girls Aloud. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça me dit quelque chose. T'en as, je crois, déjà fait jouer, non? C'est plus-tu? Non, je pense pas. Parce que je me rappelle vraiment d'avoir entendu ce nom-là. Ça se pourrait, parce qu'en fait, Girls Aloud, c'est qu'on pense, en fait, en Grande-Bretagne. On pense que le groupe, en fait, que le groupe pop féminin qui a eu le plus de top 10, c'est les Spice Girls, mais c'est les Girls Aloud. Tu m'en as parlé dans la vie privée. Ah, peut-être. Oui, pour dire que j'allais en parler dans l'émission. C'est pour ça que je t'ai envoyé dans un autre bureau. Je savais pas que Cheryl Cole était là-dedans. Ben oui, mais le groupe... Je sais plus s'il existe ou pas. Je pense qu'il existe des peut-être par nécessité financière ou je sais plus trop. Ouais, je pense que leur dernière tournée a été comme en 2013. Alors, on rappelle pour ceux qui cherchent Girls Aloud comme c'est un jeu de mots, hein, pas comme dans Filles permises, mais Girls Aloud comme dans Elle chante fort, L-O-U-D. Ouais. Donc, c'est ça. C'est Girls Aloud qui a le plus de nombre, en fait, que plus de chansons au top 10 britannique, 20. Tounes. 20 tounes dans le top 10, quand même, c'est fort. Et non, 10 tounes dans le top 20. J'ai vraiment bien lu. Donc, les cinq chanteuses de Girls Aloud se sont rencontrées dans un concours de télé-réalité Popstar en 2002. Donc, c'est pas un groupe qui se sont connus durant leur jeunesse et qui se disent « Hey, youpi, on va former un groupe ». Pas du tout. C'est des gens parmi une masse de filles qui ont été choisies pour faire finalement le Girls Band. Exactement, comme Mixmania. Ouais, c'est ben, pas mal, oui. Pareil. Pareil. Exactement, mais avec plus de succès. On a à peine entendu ta chanson. Je me souviens pas comment les filles s'appelaient, par exemple. Je me souviens que... Il y avait des noms de groupe. Ouais. Je me souviens pas, moi non plus. Faudrait le demander à Catherine Levac. Pourquoi on parle? Parce que c'est une fan de Mixmania. Ah, pour vrai? Oui, c'est une fan finie de Mixmania. Et d'Ottawa aussi, je pense, selon Internet en ce moment. Ah, je pensais que c'était Gatineau, mais bon. Gatineau, c'est ça. Ouais. Ah, je comprends plus rien. Ça va trop loin, cette chronique. Défense urbaine et aucun regret. Ah, que c'est quétaine. On dirait du hip-hop sucré. Ouais, c'est vraiment quétaine. Puis je laisse continuer ta vie. OK. Donc, pour revenir aux Girls Aloud, là, ça a l'air d'être vraiment un groupe pop banal quand j'explique que ça vient d'une télé-réalité. Ouais. Mais en fait, pas tout à fait. Okay. Non, pas tout à fait. Oui, wow, wow, wow, wow. Intensité. Calme-toi. Bah. Ça va changer de bureau encore. Plus loin encore. Ouais. Dans le fond, je vais faire ma chronique via Skype la prochaine fois. C'est ça, bonne idée. On est de la cafétéria, voici David Ferron. Ils en peuvent plus. Ici, la dernière de l'année. Courage. Il va faire juste une chanson, il va s'en aller. Non, c'est ça. Je pense que je vais m'en aller tout de suite, finalement. Ah. Et les auditeurs doivent dire. J'espère mais d'où se demander quand est-ce que la toune part? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il arrête de divaguer? Okay. Non, jamais. C'est de votre faute. Ouais. Oui. Donc, pour revenir aux Girls Aloud, c'est que oui, c'est un girls band britannique. On pense souvent à Little Mix, Spice Girl et à toutes ces sous-groupes parce qu'en Angleterre, ça pleut. Ouais. Mm-hmm. Ça pleut, pleut, pleut. Et avec les Girls Aloud, on va s'attarder à un album qui est sorti le 5 décembre 2005 qui s'appelle Chemistry. Mm-hmm. Donc, chimie, je pense. Oui. Mm-hmm. Je n'étais pas sûr que c'était ça littéralement, mais oui. Et il y a une toune qui s'appelle Biology. Mm-hmm. Donc, cette toune-là, qui est produite par l'équipe Xenomania, qui est une équipe de production, donc c'est avec pas mal cette équipe-là que les Girls Aloud vont travailler tout le long de leur carrière. Donc, Xenomania, dès le début de la carrière des Girls Aloud, ensemble, ils vont développer un son qui mélange pop, contemporain avec rétro, avec des sons un peu rockabilly un petit peu aussi, des sons rock des années 50 avec de la pop, électro aussi. Là, ça a l'air d'être ordinaire de mélanger pop et électro, mais en 2005, non, c'était assez avant-gardiste. Et comme Marie-Mé. Hein? Comme Marie-Mé. Pas tout à fait. Non. Non, moi, non, c'est faut écouter la toune pour comprendre. Okay. Et la construction de la toune est encore particulière parce qu'habituellement, dans une toune pomme, c'est couplet, refrain, ouais. Pont, refrain. Ouais. Tandis que la chanson Biology ne suit aucunement cette règle-là. Mm-hmm. C'est trois tounes dans une et il n'y a pas vraiment seulement c'est quoi le refrain, c'est quoi le couplet. Il n'y en a pas vraiment. C'est un peu vraiment progressif, si on veut. Oui, mais c'est déconstruit. Okay. C'est vraiment comme trois pièces de chansons qu'on met ensemble. Okay. Et qui fait Biology. Intéressant. Les critiques ont capoté, le public aussi. Cool. Donc, c'est ce qui fait le charme de cette chanson-là, qui est vraiment, somme toute, pop, mais avec une construction particulière qui valait la peine d'être mentionnée. Cool. Si jamais Mixmania réexiste, ils peuvent s'inspirer de ça. Ça a-tu marché, le reboot? Il y a eu ça récemment, le nouveau Mixmania. Hein? Ça a-tu marché, ça? Il y a eu un nouveau Mixmania? Bon, ça n'a pas dû marcher dans le film. Ben, je pense que non, parce que Tania n'est pas au courant. Ben là, je sais pas, là, moi, j'ai là, vu le premier deux Mixmania. Ans ou trois, je sais pas quoi. Je sais qu'il y en a eu deux, il y en a eu trois. Ouais. Le troisième était en 3D, comme au cinéma. Non, le troisième, il était mélangé avec la danse. Ah, pas. En tout cas. Cela étant dit. Donc, c'était Biology de Girls Aloud. Non, tu veux qu'on fasse jouer ça, là? Ben, pas tout de suite. Ben, okay. Est-ce que c'était vous voulez qu'on clair. La joue tout de suite? On peut la faire jouer tout de suite. On a le temps, OK? Oui. On fait jouer ça. Girls Aloud, tout de suite, dans la carte bleachée de David Ferron. C'était Biology du groupe britannique Girls Aloud. Oh yeah! Donc, on a finalement réussi à vous présenter une première chanson parce qu'il en reste deux. Oui, ben oui. Je vous l'annonce officiellement, comme dans toutes mes chroniques d'ailleurs. Donc, 35 minutes pour le rendu à la fin. Oui, on va essayer. Donc, la deuxième chanson, c'est Tallulah de Terry Amos qui est parue sur l'album Boys for Pelé. Et ça, c'est sorti le 22 janvier 1996, donc il y a 20 ans, wow. Bientôt 21 ans. Pelé comme dans... C'est quoi, c'est un joueur de football? Non, en fait, Pelé, c'est un dieu, je me rappelle plus. C'est dieu romain, je pense, une déesse même. Moi qui essayais d'avoir l'air de savoir de quoi je parle. Mais Pelé, c'est vrai que c'est un joueur de foot, mais l'album ne fait pas référence à ça. Bon, mais donc t'avais... j'avais raison, dans le fond, cool. Ben oui. Merci. J'aurais dû laisser le dire que j'avais raison à place de le dire moi-même. Non, ça me tentait pas. J'avais raison! T'as raison. Merci. D'une certaine manière. Merci. Je suis conciliant. Ouais. Donc, c'est ça. Boys for Pelé, y a un côté assez féministe. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce que c'est le troisième album de Terry Amos, qui est auteur, compositrice et interprète aussi. Et aussi, c'est le premier album dont elle est productrice exécutive, donc c'est la boss de l'album. C'est la Donald Trump de The Apprentice. Oh non, s'il te plaît. Non. Producteur exécutif, mais pas présidente des studios. Non, mais je pense qu'elle serait plus compétente. Sûrement. Oh, je suis sûr. Mais qui peut être moins compétent que Donald Trump? Qui? Long silence? Ouh. Hibou? Ouh. Personne. Oh my god! C'était creepy. C'était l'édition Halloween en retard. Talia est pas sûre de ce qu'on fait en ce moment. Non, vraiment pas, là. Je me pose vraiment beaucoup trop de questions. Pose-toi pas de questions. Fais juste nous écouter. Quand est-ce que je lâche cette émission? Oh, c'est ça. Bon, mais finalement, les gars. Bye bye. Non, c'est ça, c'est que pour revenir à Terry Amos et Boys for Pelé, c'est ça, c'est qu'elle décide d'être productrice de l'album. Sa compagne de disques veut rien savoir, donc elle s'obstine avec sa compagne de disques parce que Terry Amos a quand même, au début des années 90, elle est quand même assez populaire avec ses albums. Donc de l'influence pas mal. Oui, quand même, c'est toute elle qui a sorti les nouvelles auteurs, compositrices, interprètes, mettons P.G. Harvey, c'est comme dans cette vague-là de femmes auteurs, compositrices, même que Vanessa Carlton, s'il n'y aurait pas eu Terry Amos, peut-être que Vanessa Carlton n'aurait pas existé. Dans le sens, auteur, compositrice, interprète avec piano, ça s'écoute bien. Vanessa Carlton, on a fait jouer ça dans ta dernière chronique. Oui, exactement. Tu sais, j'exagère un peu, mais dans le sens que grâce à Terry Amos, il y a une génération d'auteurs, compositrices et musiciennes qui ont pu s'épanouir sur la scène pop. Donc, c'est un peu la mère de ces femmes-là. Ouais. Donc, c'est ça. La compagnie de disques ne veut pas le laisser produire l'album parce que ces deux albums ont été assez populaires. Donc, ils ont un peu peur et c'est quand même aussi... C'est sexiste que je veux dire, mais c'est quand même une première fois qu'une femme sur la scène de la musique mainstream, je peux dire ça comme ça, produit un album. Okay. Donc, c'est assez... Elle a frayé un chemin pour les autres après. Oui, exactement. Donc, c'est une pionnière. Et en plus, Boys for Pelé, c'est très expérimental. Donc, on incorpore des vieux sons de clavecin. Il y a des... il y a aussi une chorale gospel. Il y a de l'orchestration là-dedans. Il y a au moins 20 pistes là-dedans. Donc, c'est assez expérimental. Donc, quand la compagnie disque a tout entendu ça, ça a comme fait... pas sûr. Frileux. Pas sûr. Et en plus, un autre contexte, c'est que son ex, Eric Ross, était le producteur des deux premiers albums. Donc, quand elle s'est séparée de Ross, eh bien, ça lui a donné l'occasion à Terry Amos de devenir plus indépendante et de dire, ben là, j'ai l'occasion de prendre des choses en main. Ouais. On sait pas si eux, la compagnie disque, voulait la forcer à travailler encore avec Eric Ross. Ça, je sais pas par contre. Ou avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, finalement, elle a eu raison de tenir tête à sa compagnie de disque parce que Boys for Pelé, malgré l'aspect très expérimental, va être numéro 2 au Billboard. Oh! Et c'est chose qu'elle ne fera plus jamais malgré des albums plus accessibles et pop. Ah oui? Elle est revenue elle-même à la pop après? Ouais, quand même encore. En fait, elle a quand même bien commencé avec Little Earthquake et Under the Pink, ses deux premiers albums. Là, Boys for Pelé, qui est pour moi un de ses meilleurs albums. Et là, on pourrait en parler avec Justine Renaud, qui est une collaboratrice. Qui aime aussi Terry Amos. Oui, exactement. Puis là, on s'était d'accord pour dire qu'après ça, ben, c'est quand même été pas pire, ces deux, trois autres albums. Après ça, elle a comme une glissade vers la pop bonbon. C'était vraiment trop sucré, puis c'est là qu'elle a commencé à décliner de toute façon. Ouais. Donc, des fois, c'est important d'écouter ses instincts. Tout à fait. Alors, je sais pas si vous voulez l'écouter tout de suite. Cette fois-ci, je pense qu'on va te laisser présenter l'autre qui va jouer en dernier lieu. Oui, qui s'appelle Familiar. Ça, c'est le titre de la chanson. Et c'est l'artiste danoise Agnès Obel. Et le disque, c'est Citizen of Glass, le citoyen de verre. T'es et bon non... en anglais, t'es bon. Merci, j'essaie. Et non, le citoyen de glace. Ou des lunettes. Oui. Le citoyen à lunettes. Dans le fond, pas pire. Elle parle de toi. Ah, t'es drôle. Oui. Toi qui portes des lunettes, on peut pas le voir. Un gag visuel, là, c'est tout le temps parfait. C'est parfait à radio. Je le sais. C'est abstrait. Oui, et absurde. Oui. Aussi. On refait-tu le son des bouts? Non. Donc, pour... Ah! T'as laissé tomber le gag. Ben, Tania voulait pas. J'étais, ah! Ouais, j'ai dit non. Qu'est-ce qu'on a compris à la permission de Tania, là? Elle qui veut plus être associée à cette émission-là. Exactement, vous avez tout compris. Ben, on essaie de la ramener, c'est ça, le but. Vers le droit chemin. Donc, on obéit oui. à Tania. Absolument. Correct, ça. Donc, Familiar! Ben, c'est ça, c'est Familiar de Agnès Obel, sorti... C'est dans l'album Citizen of Glass et c'est sorti le 21 octobre 2016. Mm-hmm. Oh, au crime, cette année. Oh, OK. Oui, ça c'est va. C'est tout récent. Ben hein. Oui. Ben oui, on va fêter les deux mois dans une journée. Happy birthday! Oui, je capote. Mm. Donc, Agnès Obel, qui est-elle? Je ne sais pas si au Québec, elle est hyper connue parce que c'est une chanteuse danoise qui est réputée pour ses arrangements classiques. Et le premier album de Obel est sorti en 2010, ça s'appelle Philharmonix. Mm-hmm. Et ça, cet album-là, Philharmonix, ça remporte un très gros succès en Europe. Ça se vend en fait à 450 000 copies en Europe. Et les critiques, en fait, en font leur nouvelle chouchou. Mmh. Et là, il y a eu un autre album par la suite, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre malheureusement, mais là, c'est son troisième album en 6 ans. Donc, pas très prolifique, mais quand même, c'est quand même mieux de même. Ben c'est ça, c'est mieux de se forcer à en faire des bons à la place d'en faire plein. Hein? Des pas bons. C'est ça. Hein? Exactement. Donc, elle a compris ce principe-là et Citizen of Glass, c'est son troisième album. Et le titre de l'album s'est inspiré d'un concept allemand. Là, j'essaie de bien le dire, c'est Glacerner Burger. Oh, wow! Ça sonne allemand. Oui, ça sonne culturel. Glacerner Burger, qui veut dire en fait qu'une personne qui est connue de tous. Donc, la personne de verre, c'est-à-dire qu'on peut le voir à travers. Ah, une transparence. Personne transparente. Mm-hmm. Oui, exactement. Et ce concept-là, Obel l'a lu quand elle est en train de consulter un article sur Edward Snowden. Oh. Donc, en expliquant comme quoi, selon l'article, la surveillance de la vie privée et de la transparence fait partie de la vie quotidienne des gens et c'est un concept qui va inspirer Obel pour son album. Et pour rendre le concept encore plus concret, elle incorpore le trotonium. Je ne savais même pas c'était quoi. C'est un instrument dont le son cristallin ferait évoquer le son du verre. Oui, exactement. Oh. J'allais dire glace, mais... Je fais vraiment c'est des. Trop anglophone dans ta tête. Oui, exactement. Donc, c'est un son qui sonne le va mettre dans la chanson qu'on va entendre. On l'entend pas tant que ça. Je sais pas s'il est incorporé. C'est vraiment dépouillé comme son, mais c'est vraiment très, très. Je vous laisse écouter, mais dans Familiar, j'ai essayé de lire les paroles, mais j'ai rien compris. Ben. Pourtant, je lis l'anglais, mais c'est tellement abstrait, c'est comme très métaphorique. C'est qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans le fond, on vit une relation trouble et sombre à travers un masque aux mille yeux. Hmm. Ah, OK. Donc, c'est ça. C'est est-ce que, dans le fond, on essaie de vivre une relation secrète, mais que finalement, tout finit par se savoir, ou finalement, on essaie de tellement rendre ça secret que ça finit par pourrir notre vie, oh. ou que ça n'est trop transparent que, justement, ça devient sombre. Mais c'est comme on dit les œuvres d'art, hein, il faut se faire sa propre interprétation. Exactement. Mm-hmm. Oh. Donc, on entendra Familiar à la fin du bloc. Pour commencer, c'est Terry Amos. Voici Talula de Tornado Mix. Je pense que c'est peut-être pas la bonne, par contre, si c'est Tornado Mix. C'est Terry Amos. Ouais, non, attends un peu, parce que je viens de voir qu'il s'est marqué Tornado Mix. Ouais, après. Ouais, c'est correct. C'est correct? Oui, oui, c'est okay. La version la plus populaire. Ok, je veux pas jouer la mauvaise. La ben non. Terry Amos, Assemblage Rocky dans la carte Beach. He's chasing tornadoes, I'm just waiting calmly, chasing him. Hey. Thank you. run into the henchman that silvered and woolen. He did it right quickly, a merciful man. She said one plus one is two, but in reason that it was three, so it was here I am. Tallulah, Tallulah, I don't want to lose you. There must be worth losing if it is worth something. Tallulah, Tallulah, she's running on now to you. Wrapped in your papoose, you little thing, you tell. When you're and you're chasing tomatoes, I'm just waiting calmly, chasing him. Keep your eyes on the road and live there familiar where they are. C'était Familiar d'Agnès Obel, précédé de Tallulah Tornado Mix de Terry Amos. Mmh, dans le bloc de la carte bleachée de David Ferron, c'était très féminin. Oui, parce que c'était toutes des femmes qui chantaient. Il n'y a pas d'autre thématique que ça. Là. C'était pas les meilleures chansons de 2016 pour toi. C'était ben pas non. La musique du monde. C'était pas... Non, non, c'était une thématique, je me dis, pas nécessairement féminin non plus, parce que ça donnait que c'était trois femmes ou en fait deux chanteuses avec un groupe féminin. Mais... Faut combien dans Girls Aloud? Cinq, je pense. Cinq, le classique de, des Girls Band et Boys Band. Oui, exactement. Puis je pense que c'est resté la même formation tout le long. Nope. Pas de séparation, pas de départ, rien. Et pourtant, c'est des filles. Je m'excuse, c'est une blague. Je pense pas ce que je dis. Arrête. Je suis malade. Tania va partir officiellement à cause de ça. Merci David pour tes choix musicaux d'aujourd'hui. Ben merci beaucoup de m'avoir accueilli encore une fois. Et merci pour ta participation toute l'année. Bien sûr, on va te retrouver en 2017. En plus de probablement d'autres petites apparitions d'ici la fin de la semaine. Je sais pas quoi. J'entends dire au moins une ou deux fois que tu vas venir le voir. On a entendu ça. On prend une pause. Au retour, on a Gabriel Béhoud avec Dans les coulisses de la huître. Puis, le lutin! Le lutin! Alfalfa! Oh, je vais rester là. On dirait pareil, Bibi. Mathieu, pareil. Ouais. Il sonne moins comme une souris que ça. 10 moineaux, 9 canards, 8 moutons. Continue, continue. Je sais pas pour vrai c'est quoi. Ah, 6 perdrix. 6 perdrix. 5 mocassins. 5 mocassins. 4 caniches. 3 ornithorynques. 2 baleines et 1 Mathieu Plante. C'est une souris verte. Ouais, c'est... Ah, il voulait finir avec Mathieu Plante. Ah. Ben oui, c'est 1 Mathieu Plante. Hey, le bumper va finir avant qu'on ait fini de parler. À tantôt! Bye bye. Là. Merci. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Toujours Assemblage Requis en ce mardi 20 décembre 2016. Gabriel Béhoud, ça va? Oui. Oui, Talia Baudin qui est là. Oui, Mathieu Plante aussi. Ouais. C'est Baudouin. Baudouin, excuse-moi. Non, c'est Baudin. Ah. C'est Tonya Baudouin qu'on appelle. Oui, exactement. Appelez-moi de même, je vous jure. Bim, bam, boum. Puis je fouf. Gabriel qui est là pour la chronique de la lutte dans quelques instants. Salut. On parlait du match de v'là une semaine et demie. Oui. Oui. Ça va être le fun. Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Mais avant ça... avant ça. Gabriel, on va te laisser faire la découverte de Alfalfa. Oui. Hein? Tu connais Alfalfa? Oui, c'était dans les petits garnements. Ben oui, ben, mais pas c'est pas celui-là. Ça. L'autre, c'est un lutin de Noël. C'est un lutin du Père Noël. Il nous suggère... Des fêtes, tu veux dire? Des, oui, excuse-moi, le Noël parce des fêtes. C'est ça. Avec le Père Fête. Oui. Donc voici ce qu'on appelle, vu qu'on remplace l'Info Campus par ça, voici le lutin Info Campus. Ah, bonjour. C'est Alfalfa du Royaume des Pères Noël. Je suis là pour encore donner des jeux. Hey, j'aime ça en donner des jeux. J'en fabrique toute la journée, saviez-vous? Eh oui. Et moi, j'ai un diplôme en confiserie. Ouais, je goûte des bonbons aussi, c'est vraiment bon. C'est peut-être ça qui me donne toute mon énergie. OK, OK. Le jeu que j'arrive pour vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Double. Et c'est un jeu très, très facile qui peut se jouer même avec des petits amis lutins qui aient 5 ou 6 ans, mais un peu plus jeunes que ça, par exemple, ça pourrait être difficile. C'est un jeu de rapidité et ça a été fait par des mathématiciens. Oh, ça, c'est difficile à dire. OK. Et là, il y a plein de cartes, exactement 55 dans le jeu. C'est important, parce que si on joue à 5, ça fait 11 cartes par ami. Oui, oui. Et là, on doit diviser les cartes égales. Première étape. Sur chaque carte, il y a plusieurs logos qui se retrouvent à coup sûr sur au moins une autre carte visible sur la table, puisque les mathématiciens ont créé un algorithme qui fait que les logos retrouvés sur les cartes se retrouvent, c'est sûr, sur au moins une autre carte présente. Donc, le but est de déposer ta carte au milieu, si tu trouves le logo qui est identique au tien. Je donne un exemple. Sur ma carte, il y a un bâton de hockey, une fleur de lys, un marteau, un drapeau du Canada. Sur la carte du milieu, il y a un bonnet, la barre du Père Noël, une bière et un drapeau du Canada. Donc, nous avons le drapeau du Canada en commun. Le plus rapide qui trouve l'image dépose sa carte au milieu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un ami n'ait plus de carte. Mais c'est un jeu de rapidité. Alors, lorsque je dépose ma carte, il y a une nouvelle carte à regarder, puisque sur ma carte, il y a des nouveaux logos, ce qui ralentit les amis. Et là là, des fois, ça va trop vite, on n'a même pas le temps de voir passer les logos. Oh. Attention, ce jeu-là se joue de plusieurs façons et laisse place à interprétation. Oui, oui, interprétation. Je donne un exemple. Nous, à la fabrique, nous avons inventé une version avec de l'alcool. Et là, là, là, là, faites pas ça à la maison, hein? Et ça pourrait virer drôle, drôle. Oh, OK. Et il y a une autre façon d'y jouer qui est très intéressante. C'est tout à fait l'inverse. Vous prenez une seule carte et vous mettez toutes les autres au milieu. Et vous devez en trouver le plus possible. Donc, exemple, bâton de hockey, drapeau du Canada, barbe de Père Noël et ainsi de suite, jusqu'à les amis, il n'y en a plus au milieu. Quand il n'y en a plus, la partie est terminée. Ce sont des courtes parties d'environ 5 à 10 minutes. Et on peut en faire plusieurs. Ça implique les grands-parents, les parents, les enfants et même des fois le Père Noël. Il peut jouer, il a déjà fait une partie avec nous. Donc, c'était Alfalfa du Royaume du Père Noël et on se voit pour une prochaine fois. Au revoir! Merci Alfalfa! Merci! Ah oui! C'est sa deuxième chronique, ça. On a trois autres pour l'instant. On va en jouer toute la semaine. Pendant les fêtes, ça va jouer sans cesse. Ça va être génial. Mm-hmm. On le remercie Alfalfa et on espère l'avoir en studio en janvier. Oui. On devait l'avoir avant Noël, mais finalement, il ne peut plus. Mais non, il est pris au Royaume du Père Noël. C'est ça. Il ne peut pas tout faire. Il tombe sur le chômage ses années, lui, en janvier. Ouais, il remplit ses thèmes, ses cartes. C'est ça. C'est ça, il se fait rouler ses cartes. H-O. H-O, H-O, H-O. Merci. Oh. Ah, l'alfalfa. Oui, dis-le. Oui, oui, oui. Mais pas celui des petits garnements. Non. Non. Bref, on le remercie, on le retrouve demain. Merci, Alfalfa. Salut. Maintenant, vous l'avez reconnu par sa voix rauque et sa grosse barbe à la radio. Non, ce n'est pas le Père Noël. Non, c'est l'autre grosse barbe. Barbriel. Oui, dans les coulisses de l'huître. Oh, oh, oh, oh. Oh. C'est un autre son que j'ai déjà pris. C'est mon son. As-tu reconnu mon imitation du petit chien qui fait des tunes, Mathieu? Ah oui, le petit chien. Ben, mais ça. Ben, ouais, c'est ça. Faudra en rejouer d'autres. On le joue pas assez souvent, c'est ce chien-là. C'est fou, ça. Il fait des chansons. Bon. Donc, Barbriel, tu parles du match il y a une semaine et demie environ. On s'est pas vu depuis. Non. C'était le, quoi, 5 décembre? Mais exactement. Exactement ça. Match qui était entre les... Verts et les Bleus. C'est ça. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici, attends un peu. Hop. Une minute. Hip, hop. Ça. J'ai même pas mes feuilles. Abracadabou. J'ai pas mes feuilles. On va aller voir sur le calendrier, d'abord. Ben oui. Match vert contre bleu, si je me Vert contre. C'est le 12, en passant. Orange contre bleu. Orange-bleu, voilà. Une chance qu'on est là, tous les deux. Ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Ah, je suis pas bien à jour un matin. Fait... Pas bien. Non, c'est pas vrai. À jour, en fait. Je pense que c'est des pipis sur le zone campus. C'est ça que t'as fait? C'est ça qu'il a fait. Oui. C'est un pistolet, excuse-moi. Ouais. Un pipistolet. Voilà. Hey, Mathieu, oui? On pourra parler aussi du match qu'il y avait eu entre les Scabs. Ben oui, ça c'était le 8. Ouais. Que ça a eu lieu, ça a débuté à 21h. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. C'est vrai. Mais par contre, ça, est-ce que c'est celui qu'on avait un reporter sur le terrain pour lequel les deux qu'on a eu un... Le match orange-bleu. Oh, le match, ok, oh, ben d'abord on va parler de celui des Scabs avant. Parce qu'il oui, avait lieu ben, avant. Allons-y. Bon. L'équipe des Scabs, c'est l'équipe du cégep de Trois-Rivières. Exactement, hein? Ils sont venus nous rendre visite ici à la Chasse-Galerie jeudi le 8. Potentiellement des futurs joueurs de la 8. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gradué, comme on appelle. Oui, qui vont faire la transition vers l'université. Mm-hmm. Parce que c'est ça, ils finissent le cégep. Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui, on a eu un match entre les Scabs et la Luette. Ça s'est soldé par la marque de 10-7, si je ne me trompe pas, pour la Luette. Et puis, ça a été un match, ma foi, enlevant. C'était quand même amusant. Moi, je vais t'avouer que je m'attendais pas à un calibre aussi élevé. Ouais, ben c'est ça. Les Scabs ont la réputation un peu des fois, là, selon certains, d'avoir des gags un petit peu pas nécessairement aussi bien construits. Ouais, mais finalement, il ne faut pas se fier aux apparences et aux oui-dire, car ils ont été excellents. C'est Vincent Rébé qui était l'arbitre du match et il nous a trouvé des thématiques de bière. Microbrasserie, voilà, c'est ça. Tout le long, donc des endroits, des bars, des brasseries. Des noms de microbrasseries, des noms de bière. En les expliquant à chaque fois, en disant leur ville de provenance. Oh, oui. On avait dans l'équipe de la Luître, c'était toi un des joueurs. Oui. C'était pas le capitaine, par contre, qu'on parlait en habitude. Il y avait Marc-André de Marion Flamand qui occupait le poste de capitaine ce match. On avait Francis Dubré-Lampron, celui qui fait tout le temps. Oui. Magali Brousseau-Arcan, Alexandre Marchand. La seule fille, oui, Alexandre Marchand, la seule fille de l'équipe. Non, Magali. Magali, oui. Eh boy, c'est parce que tu es attendant ou parce que mon gag te fait... Je trouve que c'est très sexiste. Oh, eh boy. Bang. Sexiste. Boum. Là, Mathieu, tu commences bien mal ton matin, va te le dire, moi. Il est en train de finir mon matin. Alexandre Marchand, président de l'EGA, qui était dans les joueurs aussi. Et Samuel Fortin, ancien de... C'est l'autre, Alex Marchand. T'as raison. Si bol, Mathieu, un matin. Ça suit pas. On a tout coincé dans le studio, il y a une sinusite, là. Son cerveau est déconnecté. Oui, le sinus du cerveau. Oui, exact. Fait que ça m'empêche de réfléchir. Ouais. En tout cas. C'est pour ça qu'il y a des fils qui se touchent. Alexandre Marchand, là, le gars des oranges. Oui, exactement, le capitaine des oranges. C'est ça. Ancien rouge. Ancien orange. Ancien patati patati. Trop d'informations. Mais là. Du côté des Scabs, des gens qu'on connaît pas encore tout à fait. Par contre, on sait pas en toutes même. Pas en toutes même. Des inconnus. En fait, il y en a un qu'on connaît par la bande parce que c'est le frère de Marc-André. De l'autre. C'est Dominique Flamand-Marion. Oui. Qui était là. La capitaine était Camille Beauchemin. Oui. On connaît Julien Tabs parce qu'il est photographe pour la Luître. Oui. Sandrine Drapeau, Brittany Damour et Rosie Magnus. C'est en plein ça. Donc, eux, c'était un peu l'inverse. C'était une équipe à majorité féminine. Oui. Oui, un seul deux gars. C'est ça. Un seul deux gars. Un seul deux gars. Oui. Et puis, ouais, on a le droit à des catégories là, quand même assez intéressantes. La plupart étaient libres, ceci étant dit, mais on a le droit à un... Moi, je pense que ça a été l'impro la plus plaisante du match. C'était à la manière de. Ben oui. Et puis, on a ri un prévenu. Peu des Scabs. Oui, on nous avait prévenu avant le match. Trouvez-vous un à la manière de original que vous allez choisir. Donc, j'ai tout de suite dit à mon équipe, « Hey, on fait un à la manière de, une impro de cégep. » Là, on s'est gâté dans tous les clichés d'impro qui sont moyennes. Genre quelqu'un entre sa scène, mais finalement, il est plus sûr d'avoir un gars. Ouais, c'est ça. Puis il disparaît, sans rien dire, tu sais. Fait que, ouais, c'est parfait. Fait... C'est probablement une des impros que le public a le plus apprécié de la saison jusqu'à maintenant. Je pense que oui, ça a levé en mot à dire. C'était parfait. Après ça, évidemment, on n'a pas eu le choix. Hein. On a fait le revers de la médaille. Et voilà, on nous a envoyé un impro à la manière de la Luître. Ouais, c'était un peu prévisible comment ça allait arriver. L'exécution un peu moins ferrée. Ouais, mais c'était quand même bien. C'est bien. Ce que j'aurais aimé à la fin, c'est si on avait eu une impro des Scabs à la manière... Non, une impro de la Luître à la manière des Scabs qui imitent la Luître. Oui, ça aurait pu... Ça aurait été très drôle. Une mise en abîme incroyable. Ouais. C'est drôle, toute cette chronique-là qu'on vient de faire là, sur le résumé du match, là, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà fait. On a déjà fait ça? T'es pas venu la semaine passée? Non, t'étais malade. Non, j'étais pas là. Mais quand est-ce qu'on a fait un résumé de ce match-là, non? Non. À quelque part? Non? je suis pas certaine. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Les jours se suivent et se ressemblent. On l'a annoncé. Hein? On a parlé de quoi ça allait avoir l'air. Ouais. Hey, de qui quoi allait être présent. Toi, là, tout d'un coup, là. Mais... C'est quoi la patente, là? Tu vas sur Facebook. Madame Baudouin. Écoute pareil, là. Ouais. Madame Baudouin. Mais on n'a jamais eu de résumé comme ça. Non, je pense que je l'ai fait dans un domaine personnel encore. Hein. Mais mes fils... Il l'a rêvé. Ouais, ça se peut. Mais j'ai eu la même... C'est un sentiment qui est quand même assez particulier. Un déjà vu, hein? Un déjà vu. Mais tu l'as jamais vécu? Non. C'est des souvenirs induits. Dans une autre vie, on a fait un match contre les Scabs, puis il s'est passé la même affaire. Oui. Quand j'étais une gomme. Quand t'étais une gomme? Moi, j'ai déjà été une gomme. C'est vrai, j'ai déjà été une gomme, j'ai déjà été une chaise, mais une chaise qui m'avait une patte qu'il fallait chimer. Puis, dans une troisième vie, les deux se sont combinés. Le Gange en Inde. J'ai été le Gange en Inde pendant comme 600-700 ans. Mais pourquoi t'as pas combiné ta vie 1 de la gomme avec la vie 2 de la chaise pour t'équilibrer dans ta troisième vie? Ah! T'apprends pas de tes erreurs. On choisit pas, notre vie, là. Ah, t'as raison. Penses-tu que j'aurais choisi dans celle que j'ai en ce moment? Mais non, tout va bien. C'est de la comédie... saine! Ouais. Ah, cool pour les scabs, mais ça commence à faire longtemps. Là. C'était le 8 décembre. Non, c'est sûr. Plus on récemment. On a fait trois chroniques là-dessus, ça a l'air. Fait que, apparemment. Un bout, là. Dont une où t'étais même pas là. Non, je sais. Plus récemment que ça, mais pas tant. Le 12 décembre dernier avait lieu le match contre, entre les Bleus et les Oranges. On a pas déjà fait une chronique là-dessus. Ah, tu me fais rire. C'est une blague. Ah, mais on avait quelqu'un sur le terrain, par contre. C'est vrai? Je sais pas. Oui, c'est vrai. Okay. En fait, j'ai endossé le chapeau de chroniqueur sur le terrain. Okay. Donc, le seul journaliste qui est payé environ 250 000 $ par année. Mais pas à lui, on donne l'argent à quelqu'un d'autre, le bienfaisant. C'est sûr. Pour les narcotiques anonymes. C'est ça. Les narcotiques anonymes, ça c'est pas... Narcolepsiques, c'est ça, ceux qui s'endorment tout le temps. Ah, narcolepsiques, ouais. Narcolepsiques. Ouais, parce que les narcotiques, c'est pas en tant que tel la drogue. Ouais, c'est ceux qui consomment les narcomanes. Narcomanes sont ceux qui prennent les narcotiques. Narcomanes! Narcomanes! Toujours là pour vous droguer! OK. On va finir à 11h30 aujourd'hui. Ah ouais. Donc, le reportage sur le terrain par... La cafétéria servira plus de déjeuner, c'est pas des farces. On va arriver pour déjeuner puis vont dire, hey, on est rendu, on fait du ragoût de boulettes. C'est ça. Donc, un assiette de ragoût de boulettes, 22,50. Plus le petit pain. Oui, oui, oui. Plus ouais. Les biscuits soda. L'estro mayonnaise, ouais. 3$. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a le président de l'OGA. Faut que vous fassiez quelque chose là-dessus. Maudit, il n'y a pas de micro, c'est plate. Les maudits prix à cafétéria. Ah, salut. Ben, on fait de quoi? Honnêtement? À chasse, on récupère genre notre offre d'alimentaire. Il va y avoir plein de sandwichs et des affaires. Sérieux, il y a de quoi de vraiment neige qui s'en vient. By the way, on vient d'embaucher. On vient d'embaucher la cuisinière. Hey! Ah ouais? Bon. Je vous dis, ça s'en vient. Elle a commencé à travailler hier. Est-ce là, que c'est dis, la madame Griboux de la cafétéria? Encore. Qui est de mauvaise humeur. Toute la gang de Sélection va être de mauvaise humeur. Je vous dis, ça va être débile. Ça va être malade. Ouais. Ouais. Ouais. Bref, on fait de quoi? C'est juste que ça s'en vient en janvier. Tabarouette, je vais renverser de l'eau sur le steak. Mais ramène la soupe comme avant. Je veux de la soupe. Ah, ben ça, ça a été pensé. Ah, ben crème, ben oui. Écoute, il y a de la soupe qui s'en vient. Ça a été pensé, mais vous avez encore donné un emploi traditionnel à une femme. Hein? C'est quoi le concierge va être un homme? C'est quoi là? C'est ça. Ah oui, le concierge, c'est un homme. On est en 2016. Il y en a deux à part de ça, c'est deux gars. Eh non, je vous le dis. Mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'on a juste besoin de donner un petit salaire d'appoint. Ouais, c'est vrai? Non, c'est même pas vrai. On a quand même. Non, sérieux, c'est de l'allure. Je te le dis. Combien? On veut savoir combien. Là, par exemple, c'est contractuel, je peux pas vous le dire. Il y a paye en salami. Ah, ouais. Ouh, en salami puis aussi en pain. On peut quand même faire des sandwichs. Là. Faut du pain puis du salami, je vous excuse. Voilà. C'est pas le nom de notre concierge d'ailleurs, salami. Hein. Non, je penserais pas, mais... Salami. Oh là là. Ben oui, peut-être. Écoute, Le pro du Mohamed Salami, c'est ça. Je pense que c'est David son nom d'ailleurs. Salami. David Mohamed Salami. D'ailleurs. Comme le boxeur. David Salami? Ouais. Hey Mathieu, on écoute la chronique sur le terrain avant qu'on se perde dans des dédales complètement incroyables. Allons-y, c'est sur le terrain avec dans les coulisses de l'arbitre qui présente Salamé. Mardi soir le matin. Salamé mucho. Allez. Oh Salamio. Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Ah, je suis à l'entrée de la chasse-galerie. Encore une semaine dans la joie et l'enthousiasme de couvrir la Luître, la Ligue universitaire, l'improvisation des Trois-Rivières. Et cette semaine, c'est avec une excitation que j'ai de la difficulté à contenir que je couvrirai le match des Bleus de la Luître face aux Oranges de la Luître. Donc, bon match et place aux face à face. face à face. Je suis avec c'est Stéphanie ou Marc-André Marion Flamand. Marc-André, comment est-ce qu'on se prépare? En relaxant avant tout, en oubliant la maudite fin de session. C'est le plus important. La fin de session, pour toi, est-ce que c'est un défi de taille? Non, juste de l'étude de dernière minute. Pour la saison d'impro, la première moitié tire à sa fin. Qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année à la Luître? Un public en chaleur, oui. Merci, Marc-André, en espérant que tous tes souhaits soient exaucés. Merci beaucoup, monsieur. Face à face. Je suis avec le capitaine des Oranges de l'an passé qui a devenu bleu. Zweki, comment est-ce qu'on prend ce changement? Ben, il faut dire que tout change dans la vie, tu sais. C'est sûr que l'eau devient nuage, le nuage devient eau, la poussière devient être humain qui redevient poussière. Donc, le changement fait partie de la vie, puis il faut l'accueillir puis l'étreindre, dans le fond. OK. Comment est-ce que le transfert de responsabilité se fait? En tant qu'ancien capitaine, j'avais un cartable écrit capitaine dessus. Donc je l'ai donné à Vincent qui s'en occupe très bien. Il a barré mon nom, il a écrit Vincent. Fait que le transfert s'est fait tout en beauté, je dois dire. Et qu'est-ce que c'est de jouer parmi les bleus? Faut dire qu'au début, le bleu, tu sais, c'est une couleur froide, fait que j'avais des appréhensions. Mais dans le fond, le bleu, c'est aussi la mer, tu sais, puis le ciel, tu sais, puis l'eau et le ciel se fondent l'un dans l'autre. Fait que c'est un peu un endroit où j'ai réussi à trouver ma place, tu sais, à me mettre en symbiose avec les différents éléments. Et puis c'est aussi la couleur du lave-vitre. Faut pas en boire, ça. D'accord, mais on peut boire de la bière durant le match. Bon match. Merci. Transition, hein? Hey, tu m'as touché une fesse, ça. Tout est... je suis avec Xavier McLeish. L'étoile de l'arbitre. Xavier, comment est-ce qu'on se sent? Je sens que les Bleus ont tiré vraiment un beau match, fait que je pense que les Bleus la méritent tout le monde ensemble. C'est pas nécessairement moi, je pense que c'est un travail d'équipe ce soir qui a fait ça. Tu dis ça, mais moi je trouve que tu étais meilleur que toutes les Bleus, toute la gang, surtout Rainville. Qu'est-ce que tu commentes? Je pense donc que ça s'est joué en équipe vraiment. Non, ça s'est joué sur le banc, puis l'attribution des rôles s'est faite selon le désir de tout un chacun. Donc, je pense que les Bleus méritent amplement l'étoile entière. Mais si tu n'empruntes pas de formules vides et de phrases creuses, comment célébres-tu ta victoire personnelle? Avec 3 examens cette semaine, c'est comme ça que je vais célébrer. Ça va être une grosse, grosse semaine. Mais avec 3 examens dans le corps, je pense que je vais être capable de célébrer en masse pour Noël. Ben, bonne chance. Ben, merci. C'est pas ce qui m'arrive. me suis déjà visité. Je suis pas le plus celui que j'étais. Imaginez. Ah, c'était la chronique mardi soir le matin. Oui. Le soir, le matin. Du mardi, ouais. Du mercredi. Ouais, du mais mardi, de la semaine d'après. Du 12. Oh, mais on l'a déjà fait, je pense, ce chronique-là. C'est le chronique-là, je pense que ça me dit quelque chose. Ouais, la voix dans aussi. Dans le temps que j'étais le gange. Le gange. Tu sais, c'était pas le 54e jour du troisième mois, me semble. Oui. Ouais, je suis à peu près sûr, là. Sur genre, la voix du dernier invité m'a dit quelque chose là-dedans. C'est le lutin. Non! Oui. Ouais, c'est le lutin. Allô! Ouais. Voilà. Non, on a de jeunes auditeurs. T'es fait pas l'illusion, là. Oui, il y a une garderie pas loin. Parlant de défaire des illusions, Mathieu, là, j'aimerais qu'on profite de la présence du président de l'OGE pour adresser les vrais problèmes pour une fois. C'est ma opinion. OK? Je vous écoute. Bon. Mes contribuables. Quand est-ce que... Mes membres. Quand est-ce que on va avoir un show de la rentrée avec au moins 3 motocross? Le super Sunday, motocross. Sunday. Ouais. Hey, tu sauras, Gabriel Béhoud, que le 11 janvier, là, ça va être des skidoo, pas des motocross, yes. Parce qu'on est l'hiver, man. Je fais des promesses que je serai pas capable de faire. C'est pris en note. Il n'y aura pas de... Attends un peu, je m'avance sur quelque chose que je suis pas sûr. Il n'y aura pas de Willy, mais il va y avoir du Willette. Hein? Non. Ah, mais ça, c'est sûr. D'après moi, il y a au moins un Wallet qui va se pointer le 11 janvier. On n'a rien annoncé. Ouais. On signe t'es le contrat aujourd'hui, madame. Ben, oui, ça devrait sortir demain, le headliner du show. La maudite langue de bois. Encore une fois, la langue de bois. Mais j'ai pas vu passer la nouvelle sur Facebook. Wallet? Non, c'est parce qu'on sort demain. C'est le Frosty. Il y a comme encore tout le hype. C'est ça l'événementiel. Faut que tu ailles par vague. Fait que là, la vague du Frosty va terminer. Puis après ça, on fait le lancement. Puis avec toute la promo. Partez givré, la fête givrée. Ah. Ouais, il paraît qu'il va y avoir une tempête de neige dans le 10-12, ça va être malade. Wow. Mais il n'y a plus de billets pas en tout, ils en ont vendu 900. Ah ouais. Je pense 2 semaines avant l'événement. Plus de billets. Non, 15 scalpers. 15 ou 20, en tout cas, je suis pas trop sûr, mais ouais, il reste plus flexible. Ils ont indiqué que, justement, puis ça, c'est pour une fois qu'il se passe de quoi d'intelligent à l'UQTR. Les organisateurs du Frosty ont indiqué que les gens qui voudraient utiliser leur billet pour faire de la vente, donc devenir des scalpeurs amateurs, ce serait interdit et que les billets seraient automatiquement détruits. Ah, mais comment ils vont savoir? C'est ça. Puis ça, on sait très bien que quand quelque chose est interdit, ça veut dire que les gens le feront pas. Mais ne sous-estimez pas un ingénieur. Je vous en supplie. Ces gens-là construisent des ponts, OK? Photocopier un billet, c'est déjà bien mieux que le monde qui font des affaires en philo. Fait que là, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui sont sur Spotted de QTR à tous les jours en train de regarder les posts, savoir qui veut vendre ses billets. Ah, je pense que le prix du billet au auction, le prix du billet au auction est rendu à peu près à 50$ de ce qu'on m'a dit la dernière fois. Quoi? Moi, je suis pas la police du billet, fait que je regarde quand même, ça m'intrigue. Alex, il s'en cherche. Fait que... Je serais pas genre la personne genre qui est engagée pour aller écrire aux gens sur Facebook, sur Spotted, pour faire semblant d'acheter un billet, puis finalement dire « Ah, je t'ai eu! » Faire monter le prix. Ouais. Non, ça, dans ce sens-là, tu t'installes dans le fond de la salle, tu fais une... « Oui! » Tout le temps comme ça, comme le gars, là, à l'émission des enchères. OK. Ah! Oui! Genre les... quelqu'un veut un billet du Frosty? Oui! Ça ressemble aux émissions, là, de... C'est quoi, le... La guerre des enchères. La guerre des enchères avec les gros storage, là. Oui! Ouais. Ça, c'est quand même super drôle comme émission, là. Bref, ça nous prendrait quelqu'un, genre, qui est capable de parler vraiment vite. On a ça? 1, 2, 3, 4, et vous avez à la droite un merveilleux cassin, genre, qui le prend avant, vous n'achète pas, c'est plate. C'est pas toi, Alex. Non, ça peut pas être toi. Non, ça peut pas être moi. Premièrement, t'as rien à vendre. Je vous indique. Hey, c'est président de l'OGE, il y a sûrement des billets additionnels pour le faire. J'ai pris le contrôle de cette émission. Nous sommes mais je vous indique que le Spotted Écouteur, ça sert vraiment pas à vendre des billets, ça sert plutôt à retrouver des gens. Ça, ou en encore se tanner des vignettes, ou encore chialer sur beaucoup de choses. Ouais, genre. Mais c'est qui est derrière ça, Alex? Gabriel, est-ce que t'as pris l'autobus jeudi dernier? Là, est-ce que tu travailles pour ma blonde ou quelque chose? Ben non, mais il y a un post qui dit qu'elle recherche un gars avec une barbe rousse super longue. Oui, fait que je me suis dit, ça pourrait être toi. J'ai. OK. Ou c'est les quoi? Gars de Dynastie de Canard. Est-ce que t'étais dans la bus numéro 3 jeudi vers 11h30? Non. Ah. Hey, ça, la bus, là, va falloir qu'on mette ça au clair. C'est la bus. Non, je t'allais vérifier dans le dictionnaire, c'est un nom masculin. La bus, ça n'existe pas. Je m'excuse, les gens de Trois-Rivières. C'est le bus. C'est-tu le dictionnaire trifluvien que tu as utilisé? Non, c'est le petit Larousse. Ville d'histoire, de culture et de la autobus. Ah, c'est le nouveau slogan de Trois-Rivières. Excusez-moi, je suis pas habitué encore à la culture ici à Gilles. De la haute bûche. De la haute bûche. Bref, merci Gabriel. On va parler du... On m'éjecte. Je veux juste qu'on inclue un petit encore peu une fois, on donne un micro à quelqu'un qui parle des vrais enjeux. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à part. Censure. Je m'en vais proposer mon CV. C'est un nom masculin. Radio Québec. Hey, on s'en fout. Alex a raison, messieurs, c'est un nom masculin. Ben oui. Wow, c'est ce qu'il fait dans la radio, avoir quatre conversations en même temps. Là, les gens, là... Tu sais que t'as busté de... Tu sais, on est supposé finir à 9h30, mais on continue quand même. Hey. C'est qui après nous autres, non? Non, il y a personne, c'est justement. Mais c'est là, c'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'on commence à manquer de contenu. Oui, parce que pour vrai, si vous voulez rester à l'écoute, c'est la 6e rediffusion sur ce plan de show. Non. On lève le 3 semaines. On peut bien ben buster si on veut. Je paye ça avec mes cotisations étudiantes, exact. Cette radio-là. Le pire, c'est que c'est vrai. Ben... Fait que moi, si ça me tente de parler jusqu'à 13h... 13h? Oui. Donnez-moi un micro. Bon. N'importe qui. Arrivez dans le studio, venez nous voir. Oui. Alors, on commence le Téléthon. On prend vos dons, on prend vos dons. Et si les gens veulent venir à la porte live en ce moment, pour vrai, là, on est mardi, OK? Il est 9h39, OK? Si vous vous présentez au studio là, on vous invite au potluck d'une grosse pointe d'adresse. Demain. Oh mon Dieu, c'est... De jeudi. C'est qui a gagné le concours, finalement? On attend les gagnants. Oui. Okay. Hein? On est en discussion à savoir qui va gagner. Gagnant de quoi? De venir au potluck jeudi. Tu sais, celui auquel tu viens pas comme un lâche. Je peux pas, je travaille. Des excuses. Bon. Des excuses. Je te l'ai fait dire, hein? C'est l'événement de l'année. Ben moi, je suis obligé de travailler parce que ça me coûte tellement cher, m'inscrire ici. OK? Pour payer qu'on parle des vrais enjeux. On va parler des vraies affaires. Bon. Merci vous aimez pas salaire. Ça, vous avez peur de partir. Moi, je m'en vais. Hey, tu devrais partir à l'émission, hey, bonjour tout le monde. Pour vrai, non, c'est pas. Non, mais gars, passe à l'émission. Ouais, mais moi, il faudrait que ça soit diffusé à choix ou quelque chose. Radio ou très tard, tu sais, comme de 11h à minuit, ouais. Ça pourrait gagner. ou encore le jeudi matin, là. Oui, tu pourrais être chroniqueur pour Génial en liberté j'appel... aussi. Ouais, j'appellerais ça. Oui. J'appellerais ça Réveillez-vous. Wow! Ben, ça serait tard. Hey! Tu sais, Julien Liberté, là? Ouais. Ah, je peux pas faire ce gag, là. Non. Hey, on se calme, là. Une émission de jeune fille, mettons, là, tu sais, un peu habillée, là, genre. t'appellerais ça Eugénie en liberté? C'est pas drôle. Ben non, c'était bon, oui. C'est ton pain call ever, ça. Je voulais juste chercher un titre pour l'épisode. Fait qu'il a fallu que je le dise pour faire ça. Ah, c'est ça. Je trouve que, encore une fois, vous crachez sur une athlète. Mais t'as vu que ses photos sur Instagram, c'est rendu elle en petite bobette. Ah, c'est fantastique. C'est pas sa sœur, ça? Non, c'est... Sa sœur, c'est encore mieux. Ouais, ben là... Sa sœur, elle n'a plus de petite bobette, c'est pas... Wow! Non, mais c'est vrai, pour de vrai. Ah oui? Bon, t'es vraiment sur compte Instagram. Son fils calpin, c'est pas bête. À Génial en liberté, on peut essayer de dire à Génial en liberté, mais c'est assemblage requis, on a du contenu, mais pas de contenu. Je vous invite à consulter les Instagram d'Eugénie et de sa sœur qui s'appelle, je sais pas comment, donc, Sandrine. Je me souviens plus. Oh, je l'ai jamais su, c'est bien simple. Bon, encore une fois, on parle des vrais enjeux, c'est quoi son nom? Je t'ai dit qu'il fallait une émission de même assez fou, où on discute des photos d'Instagram. Ben oui, ça va, oui, pourquoi pas? Hey, on fait juste le tour des médias sociaux pendant 3 heures, ça serait merveilleux. Attends, là, Béatrice Bouchard. Oui, ben oui, Béatrice. Béatrice Bouchard, âgée de 22 ans. C'est pas pire, elle. Eugénie, c'est cool. Je trouve ça plate parce qu'elle a un talent. Fait qu'elle mérite pas d'être. Elle mérite pas d'être célèbre. L'autre, ce qui est le fun, c'est qu'elle n'a pas de talent. C'est le fun parce que, tu sais, ça ramène comme les Eugénie et les Béatrice, tu sais, d'habitude, ils ont toutes dans 90 ans, puis les autres, ils ont 20 ans. C'est vrai. Ouais. Ah, un peu comme les Noémie Dufresne puis les sœurs qui ont pas, ben c'est vrai, ils ont pas vraiment de talent particulier, ah, mais ils sont quand même famous sur Instagram. Ouais, tu fous la pointe. Les autres, je les ai. Non, mais ça c'est des skieurs. eux ils ont du talent. Lui, il parle de Noémie Dufresne là. C'est qui? C'était là la Kylie Jenner du Québec. Ah, la youtubeuse, blogueuse, peu importe. Ouais, je pense que ouais. On sait pas encore c'est quoi son talent. Kylie Jenner du Québec, wow. C'est n'importe quoi. Mais sûr, Kardashian aussi, tu sais, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, mais ils ont du succès quand même. C'est quand même, c'est spécial comme monde. Kylie Jenner, ce serait le Coke, puis elle, ce serait le RC Cola. Tu sais, je pense que le Coke Cola, ça existe plus. Elle a sorti une biographie qui s'appelle Un like à la fois. Oh, ça veut tout dire. C'est lourd, là. Je pense que c'est mieux de regarder l'Instagram de la sœur jumelle d'Eugénie. C'est pas jumelle. J'ai pas le c'est temps. C'est sa sœur jumelle. Sérieuse. Ils ont j'ai la même temps, âge. Moi. J'ai pas le temps de faire ça. C'est sa sœur jumelle. Je suis occupé à m'occuper des vrais enjeux d'actualité. Parce qu'ici, il y a personne qui le fait. Sauf moi. Bon, ouais, on va m'en aller, là, parce que j'ai des choses à faire. Oh ben, le petit monsieur qui a des affaires importantes à faire. Oui. On te retrouve. Tu m'avais enseigné. comme ça, c'est une joke. Pour ceux non, qui savent pas, les gars. J'espère que ses élèves, ils écoutent pas. Ça prend bien quelqu'un. Ils sont à l'école, mes élèves. Ah ouais, vu comme ça. S'ils écoutent la radio, c'est qu'ils sont des foxeurs. Ouais. Mais c'est à quelle heure la récréation au primaire? T'enseignes-tu au primaire ou au secondaire? Je suis malade au primaire. Il pourrait pas parler de même à très tôt. Hey, au primaire, il me ferait peur. Au primaire, je les enfermerais tous dans le gymnase au sous-sol. Un gymnase au sous-sol? Oui, il y avait ça, moi, à mon école. Ah ouais. Ouais, c'était... Un gymnase au sous-sol ou un sous-sol d'un gymnase? Non, on avait comme un vrai gymnase. Puis un tout petit gymnase de crotte au sous-sol. Ah ouais. T'étais-tu le seul à y aller tout seul avec le prof de. Avec ses t-shirts bien serrés, là. Là, je parle du coach. Là, je sens qu'on rit de moi. On dit les vraies affaires. Ah, c'est ça. Oh, ouais. On te pose les vraies questions. Comment il s'appelle José Lito Michaud? François Paradis. Ouais, c'est José pas Lito Michaud. François Doux. Mais on te pose des questions, là, les Non, mais lui, il pose pas. Dans un truc. Lui, il pose des questions qui font sortir les larmes. Ah, ouais. C'est ça. Mais ben, on voulait sortir l'émotion de son histoire de gymnase dans le sous-sol. C'est même pas vrai, cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le gymnase au sous-sol, Gabriel? Hey, moi, en plus. Moi, je me demande, par exemple, t'as-tu déjà fait brailler un élève ou Non, non, non. C'est non, encore non. À venir, ça. Ben non, ben non. C'est ça, sa bucket list. moi, je m'en vais enseignant pour ouvrir les yeux de la jeune population. Réveillez-vous! Mardi, 10h. Non, c'est fou. Non, c'est pas vrai. Ben non. C'est à l'école que je donne mes cours, Mathieu. Pas dans le studio ici. La population de Trois-Rivières, elle, t'en fait quoi? La population de Trois-Rivières... Ceux qui sont plus vieux, qui peuvent pas aller se faire enseigner au secondaire partout. Oh, start-moi pas là-dessus. Les vieux. Tu vois, j'ai fait comme José Lito Michaud, j'ai touché une corde sensible. Ouais, exactement. T'as bien fait ça. C'était comme un... Bye-bye. Merci, Gab. On s'est dû revoir au moins une centaine de fois. Ouais, mais là... Là, il est temps. Les vrais enjeux, ça dort pas, ça s'en va pas. Ça reste. Il va revenir, ça veut dire ça. Les il a juste enlevé ses écouteurs, mais il est encore là pour une bonne demi-heure. Les écrits s'envolent, les on enjeux restent. On a une étape de ouais, les écrits s'envolent, les enjeux restent, et il faut qu'on en... Avec Gabriel Béaud, les mardis à 10h, assez vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Merci, Gab, il est déjà levé, là, il est parti. C'est ça. Merci aussi à Alex Marchand. Hey, merci encore. Qui passait tout bonnement comme ça. Oui. Oh, ouais. J'ai entendu, je me suis dit, je vais aller voir. Mathieu m'a amené de m'écrire sur Facebook. Je vais aller répondre en personne. C'est un party, c'est ça. Tout le monde veut être là, sauf le jeudi. Ouais. C'est ça, sauf le jeudi ou que c'est censé être la party. Oh, du profiteur, il vient scraper notre show. Ben oui, scraper tout ça. Alex, on va te retrouver à l'émission de demain. Oui, ouais, ouais, on va faire un petit tour. Parler de la GEQTR parce que jeudi, il n'y en aura pas de chronique parce que c'est une émission spéciale. Ah non, on fait un potluck. Potluck. Je vais venir, moi, demain, pour parler des vrais enjeux du Rata Chronique. C'est clair. On fait ça le podcast demain? Les gens l'ont vu disponible. Ah, c'est ça! On reste faire le podcast demain. Enfin. On aurait dû. Alors, mais justement, j'ai tout cancellé mes affaires. Je reste jusqu'à midi. Hey, mais Gab, j'ai une dernière petite question. Ils sauveraient jamais. Hey, là, je m'en allais, là, vas-y. Non, ok, c'est que j'ai vu une affaire, c'est comme c'est en direct avec, genre, tu sais, le premier ministre. Ils font ça avec Justin Trudeau, avec Philippe Couillard. J'ai vu ça hier. Incroyable. Il y en a un le dernier, 15 décembre dernier. Sérieux, si t'as le goût de faire une émission spéciale avec des questions, tu sais, ça pourrait être comique même. Mais je serais donc, honnêtement, si t'es partant. Il est incroyable. C'est rassurant. C'est parfait. On l'a eu. Le moment où Justin Trudeau dit que l'austérité ne paye pas. Nous avons choisi d'investir dans l'éducation et dans notre futur. Là, t'as Philippe Couillard qui est comme une face de « What the fuck? » T'es tout en train de scraper ce que je fais. Ben, ce que je fais, en fait, ce que je défais, mais bon. Parce que j'ai aimé l'entrevue avec. C'était avec. Tu sais, le moron, celui qui devrait pas à l'émission partout. Là. Il y en a pas mal. Il y a les RDI, là. Il est vraiment mauvais. Denis Lévesque. Non. LCN. Ah, RDI, c'est l'autre gars, là. Il est super condescendant, insultant tout le monde. Là, l'animateur, c'est ça. Ah, Boucardiouf. Non, mais c'est Chicalic Pascal Yakouvakis, là. Il y a des mains en direct avec son. Pascal Yakouvakis. Le matin? L'après-midi. En direct avec quelqu'un. En direct. J'espère que Daniel, son clavier va te trouver l'information. Je cherche. Comment? Non, mais ça, on a déjà parlé de Éric ça. Éric Martel? Non. Attends un peu. Jean-Luc Mongrain. Allez. Bon, on m'a demandé de m'en aller, puis là, il faut que je reste pour remplir... Non, mais pour vrai, j'étais sérieux. Patrice Roy. Oh, lui! Hey, lui! J'aime mieux Patrice. On en parle-tu? Mon Dieu! Maintenant que j'ai dit qu'il devait pas avoir l'émission, j'ai moi, je trouve qu'à la place, il devrait mettre Patrick Roy. Tellement. Là, ça serait merveilleux. Ouais. La Coupe Mathieu Roy, l'ancien président de l'OGE, devrait être ouais. meilleur que Patrick Roy. Oh my god, c'est sûr qu'il faut qu'on l'invite. C'est parfait. À une chronique de l'OGE, sérieux, ça pourrait être très drôle. Oui, un throwback Thursday. Ah, oh, ça serait malade. Bref, pour revenir à Patrick Roy, il a reçu Justin Trudeau en entrevue pendant une heure, OK? Puis là, t'avais la fille aux médias sociaux, pis tout ça. Mais chaque réponse de Justin Trudeau, c'était on a quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. C'était chacune de ses réponses pendant une heure. Oui, mais au moins, ça travaille. Ouais, ça s'en vient, non, en janvier, en 2007. 2017? Ah, on légalise son pote trop aussi, gelé hein. parce qu'ils vont légaliser le pote. Avez-vous vu la pub? Hein? C'est un autre throwback, tu as dit, la vieille madame. Est-ce qu'on veut vraiment notre premier ministre qui va légaliser le pote? C'est incroyable. Il y a des couleurs psychédéliques. Oh, le pote. Okay. Ça prenait absolument genre du ralenti un peu. Ouais, mais une émission pour vrai où Gabriel Béhoud reçoit en entrevue Alex Marchand. Ça serait délicieux. Ouais, ça. Moi j'écouterais ça aussi. Ouais, avec replay, là. On parlerait des vrais enjeux. Hey, tu te dis genre avec une bouteille de vin puis tout le monde assis autour de la table puis en train de goûter des fromages puis flambant. Est-ce que tu restes avec nous? Oh oui. Hey, Mathieu, hein? J'aurais une demande spéciale vu que je m'en vais. Ouais. Musical? Ouais. Tu sais que je trippe sur le chien qui oui. fait des chansons. Comment il s'appelle déjà? Tu pourrais taper memes, comme des memes. Ouais. Puis c'est Take On Me. C'est un ramassis de memes qui font la chanson Take On Me. Ah ouais? Puis j'ai ça dans la tête depuis wow. une semaine. On si va essayer mettre ça. Pour une fois que mes investissements dans l'Assemblée générale des étudiants et mes cotisations rapporteraient quelque chose ouais. ici dans cet établissement de l'UQTR. Ouais, ouais. Tu parles d'une compilation de ça? C'est pas le premier résultat. Ben voyons. Non. Encore une fois, je paye pour rien. Voilà. Voilà mon mot d'au revoir. Tu cherches des affaires trop compliquées, là. Étudiants de l'UQTR, vous payez pour rien. Bye. Moi, je vous dis que c'est pas vrai, puis il vient de partir, fait que je vais vous prendre c'est la prochaine demi-heure pour vous expliquer pourquoi vous payez pas pour rien. Non, c'est une blague. Mais bref. Mais attends un peu, attends, j'ai quelque chose. On va au moins juste écouter ça, juste pour le fun. Mais c'est pas le même que tu cherches, mais on va écouter ça. C'est Take On Die, là, on va voir ça. Ok. Hop! Merci Gab, il est parti pour vrai. Ouais. Je vais bien finir là-dessus. Déjà des chiens qui aboient, t'es ben oui! Ah, c'est délicieux! C'est terrible pour les oreilles! Ben oui! C'est fou, 89 FM! Ah! Là, je pense que c'est vrai, on va pouvoir finir l'émission là-dessus. On s'est rendu jusqu'à notre prochaine horaire. Bref, merci encore, Alex Marchand. Ouais, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Merci à Gabriel Béhoud qui vient de nous quitter. On termine l'émission et on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, nous serons mercredi. On n'a personne encore à part pour toi, Alex Marchand. Donc, remplis au moins une heure. Là. Ouais, c'est ça. All right. Allez, tu vas travailler avec nous à 9h demain, c'est bien ça? Ben oui. C'est génial. Sinon, sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est mardi. Le Mathieu Planchot s'en vient dans quelques minutes à peine. C'est la, comme je disais, 6e diffusion de l'émission de la semaine passée. Il y a 2 semaines. Là. Oui. J'étais malade. À midi, ce sera Rock de Neurones, en rappel encore. À 14h. Les palmarès, c'est fou. Avec quelque chose pendant 3 heures de. Je pense qu'on va monter une émission. On vous prépare quelque chose de spécial. On va travailler fort sur la compilation de fin d'année, mais je ne penserais pas qu'on la fasse live. Exactement. Bref, entre 14h et 17h, soyez-y, ça va jouer pendant les fêtes, fait qu'il faut bien qu'on se force un peu. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. C'est ça. Demain. Matin, 6h30. Est-ce qu'on va être capable? Ouf. On va se forcer. Ouais. Il faut ce qu'il faut. Ouais. On aime notre public. Merci. On se quitte avec ce qu'on devra prendre pour réussir à sortir de ce rhume et sinusite, c'est de l'eau. Donc, Water Buffalo par Laura Babin. Et à demain, 6h30. Bon café! Bye! Non, Mathieu, non. J'ai dit non. Assez couché, reste. Je vais blâmer tes médicaments, tu nous énigres. Ok, j'attendais que la chanson commence. Il est de mettre du reverb, là, ou... Ouais. C'est ça que j'aurais fait, moi aussi, j'ai pas d'écouteurs. C'est du homemade. Ouais. À demain.